Ça ne bouge pas, c'est toujours en Europe le titre le plus joué dans tous les clubs, le DJ découvert sur Fun Radio. Avicii avec El Brother, je vous donne le top 5 de ce soir. 5e Britney Spears, 4e Shotek, 3e Doves et Unbordius, 2e Martin Garrix avec l'Animal, c'est donc le premier. Avicii avec El Brother, a noté la seule entrée de la semaine, le nouveau Martin Garrix avec Wizard. Belle semaine tout le monde, prochain classement, même heure, même punition, dimanche prochain à 18h avec l'Eurodance 25 et direction Montpellier maintenant avec Mickaël qui est en grande forme. Allez, on y va. Nos limites. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Et on est en direct de Montpellier, effectivement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, donc il y a plein d'auditeurs. Il y a les photos d'ailleurs qu'on vient de mettre sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/mickaël officiel. Vous pouvez suivre évidemment tout ça en direct. Il y a plein d'auditeurs qui sont là. On va les prendre d'ici quelques minutes. Ce soir, on est en direct de Montpellier. Donc si vous voulez passer nous voir, vous êtes les bienvenus. Hein. C'est sur la place de la Comédie à Montpellier, dans le studio. On vous racontera évidemment tout ce qu'on a vécu depuis vendredi. Il s'en est passé des choses. Ah là là, énormément de choses même. Oh là là, Tof. Exactement, notamment avec Tof justement. Surtout mais on en parlera. On en parlera. Alors pour ceux qui nous découvrent, alors moi c'est Mickaël. Le dimanche, on est là de 20h à minuit. Et puis du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Si vous voulez passer l'antenne avec nous, rien ne change. Hein, il suffit simplement de faire le 01 42 48 5000. C'est le numéro du standard. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et vous nous rejoindrez justement comme Marine qui est avec nous maintenant. Bonsoir Marine. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Marine? Ça va bien et vous? Écoute, ma foi plutôt pas mal. Écoute, on a passé un putain de week-end puisque on était à Montpellier, le soleil a brillé tout le week-end, on était au taquet, c'était la folie totale. T'es dans quel coin toi Marine? Dans le 77. Ah très bien, donc il a fait dégueulasse ce week-end, j'ai vu. Ouais voilà. Parce que je me suis un peu renseigné quand même au niveau de la météo et j'ai bien vu qu'il y avait une certaine frontière comme ça au milieu de la France et puis au-dessus il faisait dégueulasse. Et nous on a eu la chance pour le coup d'être en dessous, donc vraiment bien. Très belle ville. T'es déjà venu à Montpellier ou pas toi, dis-moi? Oui, pour les vacances avec mes parents. Eh ben parfait, tu devrais revenir, c'était très très bien. Bon Marine, t'as passé un bon week-end? Ouais, ça peut aller, vous avez passé un... week-end aussi, ce que je vois. Ouais, je te le confirme, le Morito a coulé à flot, avec modération bien entendu, hein, évidemment, évidemment, c'est bien mal me connaître sinon. Et donc, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi Marine? En fait, moi je suis venue à l'antenne, c'est pour parler parce qu'en fait j'aime quelqu'un mais la personne ne m'aime pas. Donc, C'est emmerdant ça. Oui, Tof a souvent ce problème. Bon, trop souvent d'ailleurs. Très bien, bon écoute, on va en parler Marine, reste avec nous. Il y a Sandro également qui a passé un bon week-end à Montpellier. Hein. Il faut savoir qu'elle a passé la moitié du week-end à dormir. Ouais. Mais non. Mais si, il a passé la moitié du week-end à dormir. Elle a mangé et elle a dormi. C'est-à-dire qu'on est arrivé, elle a dormi. Ouais. Elle a mangé et puis elle a dormi. Ouais. Elle a dormi. Ouais. Hein, en fait, on l'a quitté, il était 15h, on l'a récupéré le lendemain, il était 12h. C'est ça. Oui, mais j'étais pas seule peut-être. Arrête ton cinéma. Elle va nous faire croire qu'elle avait une relation. C'est faux. Ouais, avec son plateau repas. Ah, peut-être, avec le plateau repas, ouais. Bon, et puis Tof, comme d'hab, qui a fini hier soir avec une meuf, Marilyn, qu'on salue d'ailleurs. Tout en loser. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ça s'est bien passé, Tof, qui est sorti lui hier jusqu'à 5h du mat. Très bien. Non, 5h pas, mais pas loin. Bon, alors qu'on a dû ramener Sandro, qui était un peu éméché avec Polo. Ouais. Voilà. Oh là là, mais il m'a fait le Kama Sutra dans toute la boîte. Oui, c'est vrai. Photo à l'appui, hein. Photo à l'appui. Et puis ce soir aussi, on va vous remettre tous les appels en entier du JAP, le juge d'application des peines. Ah, ton copain. Ah ouais, notre grand copain, effectivement. Et, tiens, est-ce que Victor a le son qui lui est à la radio à Paris? Par contre, arrêtez de me casser les couilles parce que sincèrement, le jour où je vais m'énerver, si jamais j'arrive à vous retrouver, je vais vous mettre une grande pelle dans la gueule. Voilà, c'est ça. Donc c'était, en gros, c'était ça grossièrement, évidemment, bien entendu. Victor qu'on salue également, mais qui ne parlera pas, car non. Je rappelle qu'il n'est que stagiaire et qu'il n'a pas le droit à la parole. Voilà. Mais il est là, il pousse les boutons. Et il nous sert le café aussi à l'occasion. C'est ça, ouais. Hein, Victor? Il devrait le faire plus souvent d'ailleurs. Ah, oui. Bon, et puis Polo aussi, qui ne se remet toujours pas du foot. Là, il souffre le pauvre. J'ai mal à la fesse droite. Ouais. J'aimerais être massé. Voilà, on mettra la vidéo également du foot, en tout cas la première partie. On a fait un match hier contre les auditeurs. Il y avait quand même, si je puis me permettre, 5 enculés qui nous ont mis 10-0 dans la gueule. Alors qu'on leur a dit allez-y à la pépère, tu vois, on est à la cool. On a été cool avec eux aussi. On a aussi été cool parce que nous on a été cool et eux moins. Donc après on s'est rattrapé ou on a de nouveau perdu, mais avec une moins grande différence de points. Donc on aura l'occasion évidemment de reparler tout ça sans problème. Il est aussi venu avec le célèbre Pipo, bien entendu. Hein. Et oui, le Pipo qui est venu à Montpellier, bien entendu. Toujours. Et puis on aura du son aussi ce soir. On va vous caler le son de Z dans quelques minutes avec Stay the Night, Z et Ali Williams. On aura aussi le son de Drake. Il y aura Clan Carousel avec Sun and Tans. Et puis si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, ben n'hésitez pas, vous faites vos demandes comme d'habitude. Hein, hashtag Mickaël sur le Twitter. Vous pouvez aussi demander vos sons sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Et bien sûr, via les SMS, vous débutez les messages par Mickaël et vous envoyez votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Marine, est-ce que t'as vu ce que j'ai mis sur le Facebook cet après-midi? Ah non? Non. Bah voilà, bah bravo, bravo Marine. Bravo. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Bon, donc j'ai dit que, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait offert 500 euros pour faire vos achats pour Noël. Mm-hmm. Eh ben, on va remettre le couvert ce soir et on va de nouveau vous offrir 500 euros. Alors achat, ça peut être pour vous faire plaisir, ça peut être pour faire plaisir à la famille. Tu ferais plaisir à la famille ou à toi, Polo? Ah, à moi. Ah bah moi, bien sûr. À moi, 100%. Moi. La famille, bien sûr. Menteur. Bien, mytho, bah. Sandro? À moi. Ah bah évidemment. Et toi, Marine, si tu prenais 500 boules, tu ferais quoi avec? Je partirais en voyage. Tu habiterais l'homme qui ne veut pas de toi? Oui, bah peut-être, oui, c'est ça. Tu habiterais l'homme qui ne veut pas de toi? Non, peut-être mieux que ça. Je crois que je partirais encore à Calvi, encore. D'accord, mais 500 euros c'est un peu ledge, hein. Mais bon, oui, why not, pourquoi pas. En tout cas, ça peut être un bon début quoi qu'il en soit. Bon, en tout cas, si vous voulez gagner votre chèque de 500 euros pour en faire ce que vous voulez, en plus vous les aurez les 500 euros avant les fêtes. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc si vous voulez gagner, eh ben rencard sur le Facebook de l'émission. Vous allez voir un petit billet de 500 euros. Vous faites un like et un partage sur ce post là. Et puis bah on fera un tirage au sort parmi ceux qui auront liké et partagé. Ce sera avant minuit comme la semaine dernière. Donc facebook.com/MIKL officiel. Marine, ne bouge pas de là puisque nous accueillons également Benjamin avec nous là. Bonsoir Benjamin. Bonsoir toute l'équipe. Comment ça va? Bonsoir. Bien et vous? Bah, ça va plutôt bien. Benjamin, t'es là pour la colle toi? Oui. Alors musique de colle, c'est parti, on y va. Alors attends Benjamin, ne t'emballe pas. On va se faire la colle maintenant. Tu vas donc raconter une colle. Si les auditeurs trouvent la bonne réponse et qu'ils passent à l'antenne et qu'ils sont tirés au sort, c'est gagné. Ils repartent avec quoi cette semaine? Est-ce que tu le sais? 500 euros. Pas du tout, une PlayStation 4. 500 euros c'est sur le Facebook. Tu n'as rien suivi, tu ne suis rien. Une botte dans sa gueule. Ah non, je suis pas sur Facebook en même temps. Bah oui, bon bah c'est pas grave. En tout cas la PlayStation 4 est pas mal non plus. Ça vaut grosso modo le même prix. Au final c'est bien. Bon alors Benjamin t'appelle de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, le 01. Et tu vas faire péter la colle. Nous t'écoutons Benjamin pour peut-être repartir avec la PlayStation 4. Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je? Ah c'est tout? Oui. Ah, je m'attendais un peu plus long. D'accord, donc je répète, je peux tourner sans bouger, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh ben vous jouez justement, vous envoyez simplement M-I-K-L espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique et vous repartirez peut-être avec votre PlayStation 4. Vous pouvez aussi, je vais vous mettre ça dans 2 minutes sur le Facebook, aller lire la colle et y répondre hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Benjamin, avant 10h-10h30, on te reprendra évidemment plusieurs fois et on donnera la réponse avant 10h-10h30 pour savoir lequel d'entre vous repartira avec la PlayStation 4. Je te souhaite bonne chance Benjamin. Merci. Salut à toi Benjamin. Salut, ciao. Bon, et puis Marine, le retour. Bon, alors Marine. Oui. Bon, on aura tout à l'heure évidemment donc notre ami juge d'application des peines, on aura le chéri, je peux te faire cocu. Et le canular magistral de jeudi où ça parlait de Marseille, de Paris, etc. Oui. Ah c'était la folie totale. Si vous n'étiez pas là jeudi, on vous le remettra ce soir avant minuit, rassurez-vous. Bon Marine, alors tu nous avais appelé toi parce que tu aimais un mec, mais lui ne t'aimait pas. Bon en gros c'est quoi l'histoire? En fait en gros voilà, c'est que avant, on s'est connus en amitié. On est toujours amis. On s'est connus en amitié. Ouais, vous étiez potes. Ouais, quoi. Voilà, en amitié. Ah, quoi. D'accord. Et en fait, au fil du temps, j'ai remarqué que j'avais un petit peu de sentiments pour lui, mais je n'osais pas lui faire montrer. Ah, voilà. Et tu veux pas lui montrer? Elle ne veut pas. Non, je ne veux pas lui montrer parce qu'en fait, j'ai un blocage et dans tous les blocages comme ça, c'est que je tiens à secret. Attends, je vais essayer de résumer brièvement la situation. Donc, ça veut dire que tu es en kiff sur un mec. Tu aimerais bien qu'il le soit aussi sur toi, mais tu ne veux pas lui montrer de peur qu'il vienne vers toi. Voilà. D'accord, bah c'est bien, c'est d'une logique implacable. Oui, tu vas rester seul. Bah oui, c'est-à-dire que toi aussi, quand t'as envie d'acheter un truc, tu ne vas pas l'acheter en espérant qu'il arrive tout seul. Bah le problème, c'est qu'il n'est pas prêt d'être beau papa. Quoi? Ah, hein, t'es un enfant? Attends, non. toi, tu vas avoir un moutard? J'en ai déjà un. Ah, t'en as déjà un? Et ouais, voilà, d'accord, ok. Oui, non, alors d'accord. Alors je comprends effectivement un petit peu mieux. Bon, alors bouge pas de là, Marine. On va en parler dans quelques minutes avec toi. Vous, si vous avez peut-être éventuellement déjà vécu ça, ou si vous avez des bons plans ou des conseils à filer à Marine, comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous feriez à sa place? Voilà, ça peut être un bon plan, ça. Comment est-ce que vous feriez? Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4 x 0. Et puis on va vous parler dans quelques minutes justement de tout ce qu'on a eu l'occasion de faire ce week-end à Montpellier, puisqu'on a évidemment été très très bien accueillis. Ouais, ouais, ouais. Je mettrai les photos de ma belle voiture qu'on m'a donnée. Magnifique. Qu'on m'a donnée pour le week-end, mais en tout cas, elle est très sympa. Je vous mettrai les photos. Et puis Toff, lui, a eu l'occasion de rouler avec la Twizy. Hein, c'est la petite voiture de place qui lui va très très bien. Mais elle est parfaite. Elle est parfaite pour lui. On mettra tout ça sur le Facebook, sur le Twitter ce soir et sur l'Instagram. Et puis, si vous voulez nous appeler, où que vous soyez, en France, en Belgique et un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, puisqu'on salue également nos amis canadiens qui nous écoutent, qui sont très nombreux. Et oui, promis au à Canada. La Réunion aussi, ils sont pas mal. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc appelez-nous, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus jusqu'à minuit. On est en direct de Montpellier. Ne bouge pas de la Marine. Ok. Très bien. Il y a Arthur qui voulait déjà réagir. T'es là, Arthur? Ouais, je suis là. Très bien. Ça va bien, Arthur? Tu voulais réagir à Marine, toi? Eh oui. Qu'elle se réingue, qu'elle s'accroche. Eh ben, ne bouge pas, Arthur, du Gard, là. Tu vas nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Ne bougez pas de là. On va se mettre comme promis le son de Z. Et puis, on va accueillir les auditeurs, les premiers qui sont arrivés, là. Enfin, il y en a déjà plus que quelques-uns, d'ailleurs. Hein. On va les accueillir dans quelques minutes. Toutes les photos en direct sur le Facebook de l'émission et sur le Facebook de Fun Radio. Facebook.com/MIKL officiel. Allez, bougez pas. On revient juste après ça avec le son de Z. Ce sera Stay the Night sur Fun Radio. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Effectivement, en direct sur Fun Radio. On est en direct de Montpellier, des studios qui se trouvent sur la place de la Comédie. Donc, si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas. Il y a des auditeurs qui sont venus également. Ça va, les gars? En forme. Bon, il y a qu'une partie parce que évidemment le studio est petit, donc tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le studio. Hein, on les a pas laissés dehors, hein, rassurez-vous. Hein, mais ils sont dans la pièce juste à côté. On va tourner. Vous allez pouvoir voir tout ça évidemment sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. On va reparler de la colle dans quelques minutes pour gagner la PS4. Il y a toujours évidemment les 500 boules qu'on vous offre juste avant les fêtes et vous serez livrés avant. Enfin, en tout cas, vous aurez l'argent, avant les fêtes pour faire plaisir ou vous faire plaisir. Vous allez sur le Facebook de l'émission, vous faites un like et un partage sur la photo où il y a le billet de 500 €. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit, je vous offre donc ce billet. À vous de jouer dès maintenant. Bonne chance tout le monde. On écoute Z maintenant sur Fun Radio avec Hayley Williams, un son que vous avez découvert sur Fun comme beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est le son de Stay the Night sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. On est en direct tous les soirs 20h minuit le dimanche sur Fun. No Limit jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Exactement, et d'ailleurs on est là depuis vendredi à Montpellier. Et oui, on s'est bien marré. On parlera foot dans quelques minutes. Alors foot évidemment par rapport au match qu'on a eu l'occasion de faire, où d'ailleurs on a été très très bien reçus au Soccer 5 à Castelnau-le-Lez. D'ailleurs si vous aussi vous voulez en faire, n'hésitez pas à venir, ils sont très cool. Et d'ailleurs il y en a un qui va ouvrir aussi bientôt, sera à Charleroi. Pour ceux qui habitent dans le coin, vous allez pouvoir aussi aller faire du foot. On passera en faire aussi avec vous maintenant qu'on a un mur en béton au goal, c'est-à-dire Polo. Je pense que... Je suis le mur. Exactement, The Wall. On l'appellera The Wall dorénavant, hein, on mettra ça sur le nom derrière, The Wall. C'est vrai que je me suis dit un talent. Oui, franchement, ouais. Bon, alors il arrête les ballons en mode karatéka, mais il les arrête et c'est le principal. Ouais, mais ça nous a sauvé de défaites catastrophiques. Oui, bah, je vous rappelle qu'on a fait 3 matchs avec des auditeurs. Les premiers qu'on peut également appeler la team des enculés, hein, qui nous ont quand même mis 10-0 dans la tronche. Après, je me suis mis dedans. C'est pas ça, mais bon. Après, on a quand même gagné 9-6 et puis 17, je crois, un truc comme ça. Faut préciser que c'est Mike qui a marqué le premier. Exactement, j'en ai mis 3 que Sandro a raté puisqu'il était parti dormir. Voilà, dormait. Donc du coup, il les a pas vus, il les a pas filmés non plus. Donc, mais non, mais moi je vous ai vu jouer le premier match, vous étiez nul. On s'est amélioré après quoi, c'est ça le truc. Bon, enfin, qu'est-ce que je veux que je te dise, moi. Bon, on va également parler de la nouvelle Miss France aussi là. Est-ce que t'as vu la nouvelle Miss France toi, Marine? Non. Non, t'as... dis donc, t'es connecté à rien, toi, Marine, en fait. Mais en fait, il faut savoir que Marine vit dans une cave. Elle aime quelqu'un qui ne l'aime pas. Laissez-la tranquille. D'accord, mais c'est pas qu'il l'aime pas, c'est qu'il sait même pas. Elle sait même pas, oui. Voilà, il lui aurait jamais rien demandé. Donc, non, mais t'es pas connecté. C'est-à-dire que t'as pas vu la télé, le journal, on est en internet. Tu sais que quand on a tu vois s'en occuper, je pense non, que. Non mais d'accord, mais bon, il y a un moment. Tu sais qu'on est en 2007. Tu sais qu'il y a la télé, le journal, des trucs. Bah oui, c'est oui, ça, nous, internet. Apollo, ça nous empêche pas de s'informer quand même. Complètement. Donc tu ne connais pas la nouvelle Miss France? Non. Tu ne l'as pas vu du tout? Non plus. Bon, d'accord, ok. Bon, alors pour ceux qui vivraient dans une grotte comme Marine en l'occurrence, hein, et qui ne l'auraient justement pas encore vue, je vais vous mettre la petite photo de la nouvelle Miss France sur le Facebook. Alors venez nous dire aussi si vous trouvez qu'elle méritait de gagner, ou dites-nous simplement si qui aurait dû gagner. Parce que apparemment il y a un gros bordel sur internet qui Charline. Dit que. Ouais, Charline qui effectivement était assez mignonne. Ouais, attends, mais tous les ans il y a ça. Hein. Qui tous était assez ans, mignonne. Et là apparemment il y en a beaucoup qui taillent en disant ouais non elle est moche en fait, elle aurait jamais dû gagner, c'est un concours de beauté, elle est laide. Alors c'est quand même bien violent. Mais je voulais pas l'aide, mais non, elle est pas la plus jolie, je trouve. Bon, après, c'est une question de goût, mais voilà. Donc, il faudrait voir. Demandons également à Pedro, qui est un grand spécialiste. Pedro, qui est donc le sous-chef, qui est un grand spécialiste en termes de femmes. Un grand expert. Un grand expert en termes de femmes, et qui pourra justement nous donner son avis d'expert. Juste avant, alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette nouvelle Miss France? Elle est moins bien que celle qu'on avait à Nancy. Moins bien que Charline. Ouais, exactement. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah alors, moi, la prochaine fois, il faudra être plus dans le micro, Pedro. Et la lumière rouge, ça veut dire que tu peux parler. Voilà, c'est ça. Bon, bref, on va vous la mettre dans quelques minutes sur le Facebook. Vous allez voir ça, facebook.com/MIKL officiel. Bon, Marine, dans l'absolu, tu aimerais bien qu'on appelle le mec, j'imagine. Oh non, surtout pas. Ah non, mon Dieu, non, je veux pas qu'il sache. Surtout, je suis amoureuse de lui, mais je veux pas qu'il le sache. Jamais. Voilà. Hein, Marine? Ah bah, allez-y. Non, mais attends, allez-y, on va pas l'appeler genre « Salut Roger, tu vas bien? Tranquille ou quoi ?» Non, mais il faut quand même qu'on en sache un minimum, un peu plus. Ah, mais plus, vous voulez savoir quoi en fait sur lui? S'il est beau gosse. Ouais, c'est ça. Non, mais pas s'il est beau gosse, mais simplement savoir qu'est-ce qui fait que tu le kiffes, hein, pourquoi, comment, est-ce nous expliquer pourquoi tu veux pas y aller. Enfin, il faut qu'on en sache un peu quoi. Bah, il est blindé, il a une grosse voiture, donc je me dis que pour mon fils c'est bien. Mais oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des allusions Non, mais en fait, qu'est-ce que j'ai kiffé chez lui, c'est son regard. Il a des beaux yeux noisettes. Oh. Sweet. Bon, écoute, attends, avant de l'appeler, on va également prendre l'avis d'Arthur qui est avec nous là. Salut Arthur. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien aussi, hein. Très bien. Tout jusque là, tout va bien. Sois le bienvenu Arthur. Tu voulais donner ton avis par rapport à Marine, toi, avant qu'on appelle son mec. Comment il s'appelle ton mec d'ailleurs, Marine? Il s'appelle David. David, d'accord, ok, très bien. Bon, écoute, on va l'appeler dans quelques minutes. Alors, vas-y, dis-nous, sois le bienvenu Arthur, on t'écoute. Alors moi, mon ex, je suis sorti un an avec, ça s'appelle Léa. Ouais. Et en fait, je suis toujours amoureux d'elle et j'ai fait le coin avec elle, j'en ai fait voir toutes les couleurs. Bah oui. Bien fait pour ta gueule. Alors. Et voilà, maintenant je regrette et elle me rejette. Bah oui. Ouais. Elle te regrette, et t'aurais dû faire attention. Et maintenant, elle a trouvé l'amour avec un autre. C'est ça. Et t'es triste et tu voudrais essayer de la récupérer aussi, tu c'est ça? Parce qu'en finalement, t'appelles pas pour avoir un conseil, t'appelles parce que t'es dans la même galère qu'elle. Mais ne t'inquiète pas, on va t'envoyer des Kleenex. Mais oui, c'est ça, on va t'envoyer des pour essuyer. Ouais, voilà. Ne t'inquiète pas, on est là. Bon, il y a aussi Sarah qui est avec nous d'Angers là. Salut Sarah, comment ça va? Bah, ça va bien et toi? Bah écoute, bah attends, on est à Montpellier, évidemment que ça va bien là. Oh. C'est-à-dire qu'on marche dans le studio de feu tout à l'heure. Je t'ai vu la photo sur Facebook de toi, ça va, t'es à la cool hein. À laquelle? Parce que j'en ai mis plusieurs. Bah celle où t'es sur une terrasse ou je sais pas trop quoi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bah avec ton portable. Je ne vois pas de quoi tu parles, je n'ai jamais été en terrasse ce week-end et encore moins en train de buver des burritos, donc je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Par contre, on m'a bien reçu à Fun à Montpellier, c'est là que tu vois qu'on sait recevoir dans le sud. J'avais un punch. Et puis un deuxième. Et puis ça s'est bien passé. Donc plutôt, mais toujours avec modération, bien entendu, évidemment. Bien sûr, si vous remarquez qu'à un moment on n'est plus très cohérent dans ce qu'on dit, c'est prévenez-nous que, voilà, c'est ça. C'est que modération sera partie. Bon, Sarah, tu voulais donner un conseil aussi toi à Marine, et du coup par la force des choses à notre ami Arthur. Bah moi je suis dans la même galère qu'Arthur et Marine en fait. Ah encore? Donc en fait personne peut nous donner un conseil. C'est le bordel. Non mais c'est ça. Moi je m'attendais à ce que certaines puissent nous aider, mais en fait pas du tout. Bon, on va se déprimer alors. Bah non mais c'est ça. Bon, c'est quoi ta situation à toi? On sait jamais. Allô, Sarah. Oui, c'est quoi ta situation? Moi c'est qu'en fait j'ai un mec. En fait moi j'aimais le mec, mais le mec m'aimait pas. Mais ça fait un moment on s'est mis en couple en fait. Ouais. Attends, donc, le mec ne t'aime pas, mais vous êtes quand même en couple. Là, c'est bizarre ce couple. Donc vous êtes pas en couple. Toff, il fait pareil. Ah oui, mais Toff, il a plusieurs couples. Oui. Ouais, c'est ça. Qui ne sont pas des couples. Voilà, moi c'est juste pour le sexe, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ce week-end, Toff a un nouveau couple. Oui, exactement, oui. Ouais, on va en parler. Félicitations, Toff. Merci. Bravo. Bravo, Toff. Ah bah oui, bah, bien sûr. Oh là là, quel talent quand même. Merci. Oh là là, c'est et incroyable. Le week-end n'est pas terminé. Mais, ah bah bien sûr, évidemment. Il n'est pas terminé, non, ça c'est certain, effectivement. Bon, donc du coup, dans l'absolu, t'es dans le même... T'as le même problème que Marine, quoi. Tu ouais. t'en sais rien, ouais. tu sais pas plus. Ouais. Non, mais c'est bien, et puis on est pas plutôt emmerdé. Attends, on va prendre si Stéphane. Elle a pécho au final, elle dit. Hein. Mais non, attends, t'as pécho, Sarah, ou j'ai raté un truc, ou t'as dit que t'avais pécho? Ouais, j'ai pécho, ouais. Ah bon, d'accord, mais alors quel est le problème? Toi, t'as déjà été au bout, là? Bah, c'est qu'il m'aime pas trop, en fait. Ah bon, là, il faut passer à autre chose, alors. Est-ce qu'il a, quoi, est-ce qu'il a été au fond? Parce que si elle, elle était au bout. Ouais, okay. C'est drôle, ça. Polo, je t'aime pas, viens, on sort ensemble. Ah ouais, avec plaisir. Pourquoi c'est pas, la meuf qui parle derrière. C'est Sandro. C'est qui cette relou? C'est qui cette connasse? Ouais, hein, parce que d'habitude, elle est au standard, on l'entend moins, alors tu vois. C'est... Elle a comme si elle a l'affaire. Alors que mais non, je l'adore, Sandro, t'inquiète pas. Tu l'aimes tellement, tu sais même pas qui c'est. Voilà. Mais elle marche comme ça, Sarah. Attends, Stéphane également qui est là, on va appeler le mec là. On va mettre Sarah de côté parce qu'elle est en train de décéder. Stéphane. Oui. Ça va bien, Steph? Oui, ça va et toi? Bah tranquille, oui, à la cool. Je vous ai mis la photo hein, sur le Facebook, allez voir. Photo de Miss France 2014. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la trouvez bien? Est-ce qu'elle méritait ou pas de gagner? Vous balancez vos messages maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. On en parlera d'ici quelques minutes sur le Facebook. Bon, alors Stéphane, est-ce que t'as une solution? J'espère que oui. Ou est-ce que t'as le même problème que Marine et Stéphane? Que Marine et Sarah et Arthur. Oh bah oui, j'ai une solution, oui. Ah bah attends, on n'a pas écouté la solution. on n'a pas la solution encore. Hein. Vas-y, vas-y. Alors il faut qu'elle reste cool, il faut pas qu'elle pense à ça. Voilà pour qu'elle oublie. Prenne une douche. Allez, c'est quoi cette solution de merde? Il faut qu'elle oublie. ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi cette solution là? Il faut qu'elle reste cool, il faut qu'elle oublie. Peut-être que si elle regarde un film à la télé, ça irait mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Non mais on n'est pas vraiment aidé avec ça. Hein. Non, si, moi je trouve que c'est pas mal mon conseil. Hein? C'est moi, j'ai vécu la même situation que elle en fait. Et, ouais. Et en faisant ça, ça a marché? Moi j'ai laissé tomber quoi. Ah. Oui, voilà, donc en fait ta solution c'est juste de lâcher l'affaire. Ouais. D'accord. Mais okay. Il faut rester cool. Oui, mais voilà, c'est ça. Ouais. Il faut rester cool, effectivement. Bon, écoute, Marine. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler en direct dans quelques minutes. Alors, hein, juste le temps d'écouter dans quelques instants le son de Drake avec Hold On, We're Going On. Et puis, Arthur, on va essayer de trouver une solution. Ouais. On va essayer déjà d'appeler son mec, le David, là. Avec un peu de bol, on aura la solution. Et peut-être que cette solution sera applicable à vous. En tout cas, je vous le souhaite. On va voir ça dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Est-ce que vous avez vu, donc Marine, je pose pas la question, Arthur, Stéphane et Sarah, vous avez vu Miss France là maintenant, elle a été élue hier soir? Mais elle est moche. Non. Ah, elle est moche. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Cash. Oui, voilà. Stéphane. Steph. Ouais. Ah, tu l'as vu ou pas, toi, Miss France? Oui, je l'ai vu. Tu la trouves bien ou pas? Ouais, je la trouve bien. D'accord. Et Arthur? Moi, je l'ai pas vu, mais j'aurais aimé. T'aurais aimé, d'accord, bah tu peux aller voir facebook.com/mikaelofficiel. Je pensais que t'allais dire bah moi je l'ai pas vu mais elle est moche. Tu vois, c'est le mec qui se range avec l'avis majoritaire. Facebook.com/mikaelofficiel, je viens de vous mettre la photo et bah vous pouvez aller voir et donner vos avis. On va les lire dans quelques minutes justement vos avis. On va récupérer Benjamin pour la colle dans quelques instants. Maintenant, tiens, Benjamin, t'es là? Oui, très bien. Alors Benjamin de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, qui veut donc tenter de choper. Oula, que se passe-t-il? Benjamin? Oui. Tu as le kit main libre? Non. Attends, on va enlever la musique parce qu'il gueule. Alors, Benjamin. Oui. Alors, vas-y, fais péter la colle pour repartir avec la PlayStation 4. Bon. Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je? Voilà, je peux tourner sans bouger, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez tout simplement la réponse. Vous envoyez M-I-K-L suivi de votre message. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Et puis si vous êtes tir au sort, eh ben je vous file tout simplement votre PlayStation 4. Ce sera aux alentours de 22h. Vous pouvez aussi jouer bien sûr sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Voilà, bonne chance tout le monde, la PlayStation 4 a gagné ce soir. Et puis on revient juste après le son de Drake. Maintenant, c'est Hold On, We're Going On sur Fun Radio. Mickaël No Limit en live depuis Montpellier. No Limit jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Ouais. Effectivement, on est à Montpellier. On est là jusqu'à minuit, bien entendu. Il y a les auditeurs qui sont passés nous voir aussi. Il y en a aussi. Il y a des photos d'ailleurs. Hein, tout le monde. Hein, vous pouvez voir tout le monde sur le Facebook, bien sûr. Facebook.com/MIKL officiel. Je rappelle qu'il y a toujours la PlayStation 4 à gagner ce soir. Ce sera dans la colle. On offrira la PlayStation avant 22h30. Et puis les 500 euros également qui sont à gagner ce soir. Si vous voulez faire plaisir ou

dans l'appel. Dans l'appel. Et puis ouais. Clara qui dit aussi, et dire que tu es à Montpellier, tout comme moi, dommage que je ne puisse pas venir vous voir. Mais Clara, Clara, t'es pas sérieuse, Clara. Allez hop, tu vas venir maintenant nous rejoindre. Vite. Mais est-ce que c'est sérieux ça quand même? Bah oui, une grande histoire d'amour entre elle et moi. Bah oui, c'est ça. Et Riel qui dit pas terrible Miss France, elle a les cheveux trop courts. Oui, mais bon, ça c'est. Ah oui, Polo Style, pardon, j'avais pas vu. C'est vrai, et Jason qui dit la Miss France ressemble à Toff au féminin. Oh non, ça c'est quand même une insulte pour la pauvre Miss France. Bon, restez pire que le chien alors. Ah ouais, restez avec nous. Ah bah oui, bien sûr. Restez avec nous, on va récupérer Marine dans quelques instants. On aura Myriam qui voulait réagir à Marine, donc qui est en kiff sur un mec, mais elle n'ose pas lui dire. On va également se mettre le son de Clan Carousel, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, avec Sonantans, et c'est ce qui va débarquer. La suite également de l'appel avec Toff, ce sera le Jap, et ce sera la seconde partie sur Fun Radio. Mickaël No Limite en direct de Montpellier jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël No Limite en direct des studios de Fun Radio Méditerranée jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Nos limites jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Oui, on est en direct de Montpellier et c'est une heure sans pub maintenant sur Fun Radio à la cool avec tous vos appels. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0 depuis la Belgique. Si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas. Il y a Denis qui dit bonsoir toute l'équipe, quel bouffon le juge là. Puis porter plein de comptes Toff, c'est un joli guignol. Oui, mais il a fait, ouais. Hein, cela dit. Hein. Toff, t'es un grand malade, c'est excellent. Bonsoir à toute l'équipe, c'est Gwendoline. On va vous remettre d'ailleurs l'appel, enfin la deuxième partie de l'appel dans quelques minutes. Max également qui dit la seule Miss France qui devait gagner, c'est Miss Côte d'Azur. Elle était trop bien foutue. Il y a Dédé qui dit mes favorites dans les Miss hier, c'était Miss Champagne-Ardenne ou Miss Normandie. Et bah non, il y avait Charline, c'était Miss Lorraine, je crois. Ouais, Miss Lorraine qui était magnifique. Voilà, d'ailleurs, je la salue, la pauvre. Je suis là, je vais te réconforter. Oui, mon ami va la consoler. Pas forcément envie. Hein. Et Pierre qui dit bah oui, Charline était plus belle. Et bien Benoît sûr. Qui dit moi, j'aurais voté Miss Provence ou Miss Auvergne qui était très belle aussi. Donc allez voir, donnez nous vos avis, évidemment, hein, sur cette nouvelle Miss France. Est-ce que vous la trouvez bien? Est-ce qu'il y avait mieux éventuellement? Vous n'hésitez pas, vous y allez maintenant, facebook.com/mickaël officiel pour choper vos 500 euros aussi. On va en reparler dans quelques minutes, justement. Le son maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Et de Clan Carousel, bien sûr. Clan Carousel, c'est Sonantans sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limite. On est au cœur d'une heure sans pub. On est là jusqu'à minuit en direct de Montpellier sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. I've walked through the valleys of the wilderness and time. No limit. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Oui, en direct sur Fun Radio, ouais, au cœur d'une heure sans pub. Sont passés nous voir. Il y a Lucas aussi qui dit comment on fait pour gagner 500 euros. Bah, il faut aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Il y a une photo avec un billet de 500 euros. Vous faites un like et un partage sur cette photo là en particulier. Et puis tout à l'heure, avant minuit, on fait un tirage au sort parmi ceux qui auront liké et partagé. Et puis bah, si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec les 500 euros. Sérieusement, la Miss France, même Picasso aurait pas fait pire. C'est abusé. C'est Clément de Marseille. C'est violent. Ah non, mais ça c'est quand même vous abusez là. Après qu'elle vous plaise pas, c'est une chose. Vous avez le droit, mais là. Quand même. 7 du sac 9 qui dit aussi si tu t'aimes, il faut que tu lui dises, mais si tu es un enfant et s'il t'aime. Je n'ai rien compris, 7 du sac 9. Moi je trouvais ça très clair pour toi. Il y a Clem aussi qui dit bonsoir. Bah salut Clem, bonsoir, bienvenue Clem. À toi Clem. Et Hugo Réo aussi qui avait envoyé avec 500 euros, je m'achète de la PS4. Et Pierre qui dit 10-0 pour le foot, bande de nazes. Bah ouais, mais attends, oh, c'est bon. Eux ils faisaient du foot toutes les semaines. Nous on débarque avec une équipe un peu en bois. C'était une belle équipe, on a bien travaillé, les gars. On a bien travaillé, on a quand même fait des progressions. On a fait 3 matchs ici au Soccer 5 à Castelnau-le-Lez. Et Sandro a bien dormi, a bien mangé. Bien dormi. C'était l'homme du match. Ouais, tu parles. Elle a bien pas couru, ça c'est clair. Et donc je rappelle, on a fait 10-0 face aux auditeurs. Enfin, on a perdu 10-0 au premier match. Non, mais c'est vrai. Ensuite, on a perdu, si mes souvenirs sont bons, 9-6. Ouais. Et puis on a perdu 17. C'est pas mal. Donc il y a quand même une progression, tu vois, dans l'absolu. Hein. C'est là, à partir du moment où j'ai ouvert le bordel, où j'ai mis le premier but, paf! C'était bon. Il y a aussi RN Disney Renault, je pense, hein, qui dit Sandro, personne ne la touche, c'est ma femme. Oh, bah, c'est écoute, trop mignon. Ouais, personne n'en veut de toute façon. Je prends ce qu'il y a. Quelle violence. Ce qui vient à moi. Quelle violence. Bon, la suite de notre ami le Jap dans quelques minutes, le juge d'application des peines. Mais avant ça, on va quand même récupérer Marine, toujours du Seine-et-Marne. Salut Marine. Enfin, de la salut. Bon, alors Marine qui salut. Donc aime un mec qui ne l'aime pas. En même temps, on ne sait pas très bien puisque tu lui as jamais demandé. Voilà. Bah voilà, c'est ça. Donc on va lui demander dans quelques minutes. Alors juste avant, je voulais appeler ton mec maintenant, mais juste avant, il y a Myriam qui vient de débarquer, qui appelle de Dreux. Ah. Salut Myriam. Salut. Comment salut. Ça va? Ça va, et vous l'équipe, ça va? Bah écoute, on est plutôt pas mal, là on est à Montpellier, donc on va quand même pas trop se plaindre. Hein. On bah est bien ouais, installé, on a été bien reçu. Bon là ouais. Il fait un peu froid ce soir, mais sinon dans l'absolu la journée est quand même plutôt cool. Il y a voilà. Des jolies filles, il y a des jolies filles, voilà. Donc on est. Il y a du mal. Voilà, du on est pas mal. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Bon, Myriam, alors toi t'avais un conseil à filer à Marine. Oui, parce que j'ai vécu un peu la même situation. Dis-moi. Mais sauf que moi, c'était un collègue de travail. Ah d'accord. Ben moi je pense qu'elle devrait être plus entreprenante. Dans le sens où moi je l'ai invitée à dîner. Je lui avais mes sentiments. À partir de ça, il a été réceptif. Donc ce soir-là, on a conclu. Ouais. Et moi aussi j'avais un enfant tout comme Marine. Ce que j'ai fait, c'est dans un premier temps, c'est d'abord de vivre sa relation. En tant que couple, à savoir si ça marche ou si ça marche pas. Enfin, si ça marche, après elle peut présenter son enfant et voir comment ça se déroule. Même si lui n'est pas prêt, si elle y va petit à petit, je pense que ça va le faire. C'est s'il prend la femme et après il devra prendre l'enfant, quoi. Il acceptera l'enfant, ça viendra tout naturellement. Et, en même temps, quel âge il a le petit ou la petite, Marine? C'est un garçon, il a un an. Un an, d'accord, ok, ouais, très bien. Il est encore tout petit. Parce que je pense qu'il ne faut pas le perturber, parce que quand on est maman célibataire, on ne sait pas au début d'une histoire si ça va marcher ou pas. Alors si elle en ramène 3-4, c'est vrai que l'enfant, je pense que ça va le perturber. Mais d'abord, vivre sa relation en tant que femme dans son nouveau couple, si ça marche, ouais. si ça le fait. Et puis après, y aller petit à petit, doucement, en présentant l'enfant. Et... Bon, bah, on va essayer. Si au fil de l'histoire, il a des sentiments pour elle, il acceptera son enfant, il n'y a pas de souci. Oui, mais ça, c'est justement, c'est ça le problème, Myriam. Alors, reste là, Marine. On va l'appeler maintenant. Comment il s'appelle, David, tu m'as dit? Ouais. Bon, alors, bouge pas, Myriam, bouge pas, Arthur non plus. Je lui parle ou tu lui parles? Bah non, allez-y, parlez-y. Oh là là, c'est le courage. Oh là là là là là là, là, courageux, là. Non, mais dis-lui, toi, ça, c'est pas... En fait, faut que tu y ailles. Voilà. Non, mais sinon. Fonce. N'hésite pas. Vas-y. Mais oui. À fond de balle, bon. Tu lui dis tout, tu lâches tout, tu craches lui dessus. C'est ça. Ça va c'est te faire ça. Du bien. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Bon, je lui parle alors au début, hein, c'est ça? Oui, oui. Bon, allez, c'est. Oh, quel courage, Marine! Oh là là! Oh là là! Bon, allez, c'est parti. Vous êtes sur le Parfait. Répondeur du 06. Eh ben, c'est très bien ça, Marine! Ouais, c'est très bien ce que je vois. Bah oui, c'est ça, c'était le répondeur. Écoute, ce que je peux faire, Marine, c'est qu'on... Bah écoute, on va réessayer là directement. Et si jamais ça marche toujours pas, on peut réessayer un petit peu plus tard. Mais ouais. Laisse-lui un message. Bonjour, vous êtes sur le répondeur. Ah, j'y ai cru. Hein. Donc, bon, écoute, Marine, c'est pas grave, on va le rappeler un peu plus tard, ok? Et puis, juste un truc, Marine, si t'acceptes pas avec ton enfant, dégage-le, quoi. Ah oui, oui. Si oui. Tu veux pas de toi, mais attends, ça sert à rien. Bah oui. Ça, c'est ce qu'elle imagine, elle lui a rien demandé encore. Ah bon? Oui, c'est ça qui est fort. Le mec, il sait rien, c'est-à-dire que mais peut-être oui. Il a envie aussi, mais elle lui dit rien. Voilà, exactement. Bon, Marine, reste avec nous. Arthur et Myriam, vous avez encore un truc à ajouter? Oui, bah, Marine, n'hésite pas, fonce dans le tas. D'accord, bah il faut foncer. De toute façon, tu verras par toi-même si ça le fait, tu vas vivre une belle relation. Si ça le fait pas, tu connaîtras l'amour, t'inquiète pas. Moi, personnellement, pour moi, ça a marché parce que depuis que je l'ai épousé, j'ai eu d'autres enfants avec lui. Oh, donc, c'est mignon. Bon bah Myriam, donc, merci beaucoup en tout cas, je te repasse au standard, ne bouge pas. Il y a Arthur également qui a encore un truc à ajouter avant de partir. Concernant son histoire, non. Mais après, est-ce qu'on peut appeler la mienne? Arthur, on va peut-être pas les faire tous les soirs non plus là. Hein, mais est-ce que t'as déjà ton numéro de téléphone au standard? Ouais, vas-y, je te donne le numéro si tu veux. Au standard, Arthur. Bon, attends, bouge pas, je te renvoie au standard. Du coup, Marine, reste avec nous. On va le faire dans quelques minutes. Tant qu'à faire, on a quand même raté le premier. On va essayer de réussir le second. On va voir comment ça va se passer. Et alors, je voulais vous demander aussi si vous étiez déjà fait arnaquer en achetant un truc sur Internet, sur les styles Bon Coin, eBay, tout le bordel. Je vous demande ça parce qu'en fait, il y a un Anglais qui croyait avoir acheté une Xbox One, et en fait, il a reçu une photo. Non mais c'est un truc de fou hein. Bon évidemment le mec n'avait pas lu l'annonce hein. Il le dit lui-même, qui précisait bien que c'était une photo de la Xbox One. Donc il peut rien faire. Il peut rien faire. Il l'a quand même payé 530€ la photo. Oh c'est pas mal, 530€ la photo de la console. Mal imprimé hein, ouais, oui, bah, et mal imprimé. Donc venez nous dire si vous vous êtes déjà fait arnaquer sur Internet quand vous avez fait des achats. Tof, déjà arnaqué? Ouais, une fois j'avais acheté c'était un truc pour un chargeur pour un portable, et en fait c'était juste le mec, c'était juste trompé de référence quoi. Ah d'accord, ok, très bien. Et Zandro? J'ai jamais reçu moi un colis. Oh genre! Si, j'ai acheté. En fait, d'accord, je croyais que t'en avais jamais reçu, tu sais qu'on te livrait jamais, que t'étais la pauvre malheureuse quoi. D'accord, victime, je pensais. Quoi. Si, j'ai oublié un truc aussi. Ta tête, t'as oublié ta tête, tu te fais arnaquer sur ta tête. Ouais, mais ça, c'est mes parents, j'y peux rien, moi. Ça, c'est ça. Ouais. Ça, m'y échangeable, toi. Et, ah merde. Non, en fait, j'avais acheté une paire de pompes et je pensais que c'était, donc tu vois, des vrais, donc le mec, il les vendait pas trop cher. Et en fait, j'ai reçu un courrier de la douane qui me disait qu'elles avaient été détruites parce que c'était des fausses. Tu m'étonnes qu'elles étaient pas chères, effectivement. Ouais. Bon, ça y est, on a le numéro de la meuf d'Arthur. Comment elle s'appelle, Arthur, ta meuf? Elle s'appelle Léa. Elle s'appelle Léa, très bien. Bon, bah écoute, on va l'appeler, tu lui parles? Tu peux lui parler, toi? Bah si, mais putain, quand même, quel courage! C'est un truc de ouf, quand même. Non, mais moi, je peux le faire, si tu veux, c'est pas grave, hein, mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était un drame. Hein. Ah oui, oui, on te prévient. Moi, je dis ça, après, si vraiment tu veux que je l'appelle, pas de problème. On va lui mettre des coups de pelle et des insultes, moi. Allez, vas-y, donc tu l'appelles ou je l'appelle? Tu l'appelles. Ah, c'est moi qui l'appelle. Donc, bon. C'est son ex, on est d'accord. C'est son, sa future ex. Sa future ex. Alors, attends. Amoureuse. Attends. Allô? Oui. Oui, Léa? Oui. Salut, c'est Mickaël. Dis-moi, je suis un pote d'Arthur. Ouais. Tu connais Arthur? Ouais. Ouais, tu le connais bien bien ou pas? Ouais. Ouais. Et c'est tout? Sans plus? Pourquoi? Non, mais je te demande ça parce qu'en fait, on a parlé avec on a parlé ensemble cet après-midi. Enfin, pas avec toi, mais avec lui. Et bah en fait, visiblement, il était un peu... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Non. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Non? Non, bah en fait, il aurait bien voulu sortir avec toi. Bon, comme c'est un connard, je voulais juste te prévenir avant, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais comment il est, quoi. Je sais comment il est, je veux pas qu'il te fasse du mal, même si on se connaît pas. Donc voilà, c'était juste pour voir si toi t'étais aussi ouverte ou pas à éventuellement sortir avec lui, quoi. Donc? Pourquoi? Pourquoi quoi? Je m'attendais à un pourquoi pas. Ah, pourquoi tu me répondrais? Hein? Bah parce que je suis avec lui et que comme ça je lui réponds. Tu veux que je te le passe? Léa? Oui. Tu veux que je te le passe? Vas-y. Oui, bon, Arthur? Ouais. Tiens, tu peux prendre le téléphone. Vas-y, on lâche la PS. Allô Léa? Ouais. Ça va? Bientôt. Tranquille, hein. Arthur, t'as téléphoné avec t'aime. Qui? Il est pas un peu fou ton pote? C'est pas mon pote. Hey Arthur, ah bon, arrête de me lécher les pieds. Chérie, c'est la radio. Ah ouais? Et ouais. T'es sérieux? Ouais, oui. Mais nous ce qu'on aimerait bien savoir c'est est-ce que tu vas dire oui ou est-ce que tu vas dire non? Ouais. Bon, je t'avoue que si tu pouvais dire oui ça nous arrangerait parce que ouais, le coup d'avance t'es un répondeur. Donc ça serait quand même bien pour la moyenne, quoi, tu vois. Je te kiffe Léa. Oh, quel ringard! Ah non, c'est mignon! Oh là là! Bon, attends, parce qu'on n'a pas la réponse. Léa, tu peux pas dire non. Attends, je sais pas, Léa. Quel âge t'as, Léa? 15. Ah, oh, ah oui, 15 ans. Bon. va boire un verre, toi. Va boire un verre, toi. Je vais me resserrer un peu, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va plutôt par là-bas, ouais. Du punch aussi. Bon, du coup, Léa, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est merde? Ouais, je sais pas. Allez, oh non, il faut répondre. Fais-toi un ciné, un McDo. Mais non, oui, mais bon, c'est normal, elle se fait désirer. Non, mais non, mais un oui ou un non. Est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est complètement fermé? Non, fais-le galérer, Léa. Mais non, ta gueule. Toi, t'es seul encore. Ouais. Arrête de donner tes conseils de merde. Alors, mais moi, j'ai pas sa chance. Alors. Allez, Léa. Léa, fais-nous plaisir. Mais... on est des romantiques. Bon, on te force pas la main, mais ce sera bien que tu dises oui, quoi. Allez, un petit ciné, un petit McDo, on n'en parle plus. Allez, roule ma poule et après, tu choisis. Ouais, je suis d'accord pour McDo. Ah bah voilà, à tes frais Arthur, hein. Bravo, hein. Le public est ravi, tout ça. Et Arthur, t'es royal, c'est toi qui paye, hein. Voilà, c'est ça, tu mets le menu maxi, tout le bordel, hein. D'accord. Avec les potatoes, tu rigoles pas. Ah ouais, sur ouais, la sauce, ouais, hein. Potatoes, tu mets la sauce, tu mets tout le merdier, hein. Le ketchup, c'est pour moi. Oui, bah voilà, c'est parfait, très bien. Bon, tu nous tiens en jus, Arthur. Tu nous tiens en jus, Arthur. Ouais, ouais, c'est bon. Parfait, bon, je compte sur toi. Salut Léa. Bisous. Oui. Bon, il est sorti couvert. Bon, allez, voilà, bougez pas, on va vous remettre au standard dans quelques minutes. On va se refaire aussi avant de faire la suite de cet appel que nous avons eu l'occasion de faire cette semaine avec le juge d'application des peines. On va également se remettre la colle avec notre ami Benjamin. Allô, allô. Salut toute l'équipe. Salut. Hein, re-salut Benjamin. Bon alors, toi tu voulais faire la colle puisque je rappelle qu'il y a une PlayStation 4 à gagner ce soir dans la colle. Et il y en aura une d'ailleurs à gagner tout au long de la semaine, tous les soirs de la semaine. Pour tenter de gagner votre PlayStation 4, il faut répondre correctement à la colle de Benjamin qui va faire un plaisir de la rappeler maintenant. Vas-y Benji. Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Et pareil aussi sur le Facebook de l'émission. Alors on proposait la Terre. Non. Non, on proposait le temps. Non. Un film. Non. On proposait Jason Derulo. Non. Non, on proposait, il y a Baptiste qui proposait le vent. Non. Non plus. Il y a Elodie qui proposait les yeux. Non. Ludie qui proposait une milf. Non. On proposait une girouette également. Non. Un cactus, une bille. Une milf. Non. L'horloge, un tourniquet. Non plus, non. Non, il y a l'ombre, non. Il y a Reed qui proposait des aiguilles d'une horloge. Du jambon. Non, c'est pas du jambon, arrête de nous casser les couilles avec ton jambon. Je vais gagner un jour. Coraline qui dit la réponse à la colle, c'est le soleil. Non. Ou Philippe qui proposait aussi la planète Terre. Non. Non, bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y, maniez-vous, on donne la réponse aux alentours de 22h. Vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous repartirez avec votre PlayStation 4. Il faut répondre à la colle donc de Benjamin. Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? Bonne chance également. Vous pouvez jouer gratuitement d'ailleurs sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Benjamin, on te récupère encore une ou deux fois pour répéter la colle pour les retardataires, ok ? Je peux tourner sans bouger. Non, ben d'accord, on a compris, mais je te disais qu'on allait te récupérer encore plusieurs fois avant la fin de, avant 22h. Il est motivé, c'est bien. Mais il est bien, mais c'est très bien. Bon, Benjamin, bouge pas de là, la PlayStation 4. Peut-être pour toi, la suite avec le deuxième appel de Toff, ce sera dans quelques minutes. On aura aussi le chéri, je peux te faire cocu ce soir. Et puis on va parler aussi des arnaques. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà fait arnaquer en allant acheter sur Internet ? Qu'est-ce que vous avez acheté ? Vous vous êtes fait arnaquer comment ? Venez nous dire tout ça. On écoute le son du Global DJs maintenant sur Fun Radio avec Kids. On est toujours au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. On est là en direct de Montpellier sur Fun Radio. Et on a jusqu'à à minuit, venez nous rejoindre hein, si vous êtes là, on est sur la place de la comédie, on vous attend nombreux et nombreuses, surtout les filles évidemment. Nos limites jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Oui, on est en direct sur Fun Radio, on est à Montpellier, on est dans le sud de Fun Radio Méditerranée. Et toute cette acclamation évidemment pour l'arrivée de Pedro, le sous-chef qui vient de rentrer là. Oh là là, quel talent! Quel talent! C'est lui qui s'occupe de mettre les photos ce soir. Hein. Si vous voulez voir les photos du studio. Il fait les décomptes aussi. Hein. Ouais, exactement. Des photos du studio et de tous les auditeurs. Vous pouvez les voir sur le Facebook maintenant. Facebook.com/. slash Mickaël officiel. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? On va récupérer la colle dans quelques minutes. On aura Axel aussi par rapport aux arnaques, puisqu'on vous avait demandé si vous vous étiez déjà fait arnaquer sur Internet quand vous avez acheté quelque chose, par exemple. Il y a Ariel qui dit on est des romantiques et ça propose un McDo. T'es vraiment pas crédible, Polo. C'est cool. Le prince d'Aix, il y a Arthur et Léa. Premier rendez-vous au McDo. So romantic. C'était juste avant le son qu'on écoutait là de Global DJs. Il y a Jaina aussi qui dit petite bite sur Arthur. Et Colin qui dit je venais d'avoir ma carte bleue. J'ai payé et commandé une jupe que je n'ai jamais reçue. Ah, sympa ça, dis donc. Et Angelina qui dit je trouvais une nouvelle expression, c'est cacatophique. Cacatophique. Ça, c'est bon ça, bravo Angelina. Ah, je l'adore. Ah ouais, franchement, je t'aime. Ça, c'est Abby, ça. Non, c'est cacatophique ce soir. Oh là là, c'est bon ça. C'est cacatophique. Ah ouais, c'est pas mal. Colin aussi qui dit je venais d'avoir ma. Ah oui, ça, je viens de la lire. Pardon, Charlotte qui dit aussi je me suis fait arnaquer sur internet. J'ai commandé une robe de soirée, site chinois, j'ai payé, j'ai jamais reçu ma robe. C'est pratique. Moi j'avais commandé aussi un truc, je sais plus ce que j'avais commandé. Sauf que le mec il avait mis qu'il était en France ou en Belgique, quoi, je sais plus. Et je commande le truc, ça met déjà 1000 ans à arriver. Et en fait je me rends compte après quand je reçois le colis que le truc venait de Chine. Donc il a été arrêté à la douane pendant 3 semaines. Et que la douane m'a dit bon bah écoutez très bien, pour récupérer le colis c'est 60 euros. C'est les frais de douane. Ah oui, mais pour comment ça, je comprends pas. Ah oui, c'est les frais de douane, si vous les voulez pas, bah, on le renvoie en Chine. Allez, et donc du coup, bah c'est le prix de, ah, bah, c'est une paire de pompes, le prix de la paire de pompes m'a coûté le même prix que si j'avais été l'acheter au magasin. C'est ouf. Sauf que je l'aurais eu directement. Donc méfiez-vous. Et Nasco aussi qui dit j'avais acheté la PS2 sur le Bon Coin, 400 euros mandat cash, jamais reçu. C'est pas mal. Ouais, mais les mandats cash, il faut toujours se méfier. Toujours, ouais, vaut mieux se méfier, effectivement. Ouais. Bon, allez, on va se mettre maintenant donc le deuxième appel, la deuxième partie de cet appel que nous avions eu l'occasion, enfin que Toff a fait, hein, avec notre ami juge d'application des peines, mon nouvel gentil, ami, le nouvel ami. Tout à l'heure, il y a à peu près 20 minutes, on vous avait passé la première partie qu'on avait diffusée mardi, enfin qu'on a appelé mardi, et le lendemain, eh ben nous avons eu cet appel là, donc hein, nous avions, puisque ce juge d'application des peines, nous avait proposé de le rappeler, ouais. Ce que nous avons fait. Ce pauvre Toff a fait. Exactement, ça avait donné ceci. Écoutez bien.

Il s'appelle Tof de Fun Radio, T-O-F de Fun Radio. Il n'arrête pas d'appeler tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Tous les soirs. Il me demande maintenant si mon homme, il est... Voilà, alors maintenant il arrête... Au commissariat, déposer plainte, vous avez fait ? Ah mais ça y est, c'est fait. Donc vous voyez, alors je ne sais pas comment il fait ce monsieur, mais il appelle sur le téléphone de ma fille, il lui pose de ces questions mais horribles, et puis, attends, deux secondes, c'est le gendarme. Et puis de se faire... Radio, ça veut dire que c'est en direct ? Non. Eh bien écoutez, vous voyez, il était au téléphone, ah puis il m'a basculé sur vous. Je sais pas comment ils font, hein. Alors passez-moi son téléphone, vous l'avez ? Eh bien alors, le numéro de téléphone qu'il donne, c'est le 01 40 48 50 00. Là, vous pouvez pas voir d'où est arrivé l'appel ? Ben non. Ah ben le 01 40 48 50 00, oui, c'est le numéro qu'il m'a donné hier, parce que moi je l'ai questionné. Mais ce monsieur, il est particulier, moi j'ai rappelé ce matin, et ce numéro, ça correspond au siège général de EDF à Paris. Ah, mais le numéro s'affiche pas quand vous recevez un appel ? Non, c'est un numéro inconnu. Ah. Mais il arrête pas ce guignol, il arrête pas, c'est énorme. Eh bien, il faut le... Mais j'ai porté plainte, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, moi ? Bah après, vous pouvez faire la liste rouge. Ah non, mais je vais pas prendre une liste rouge pour un portable, non, faut pas rêver, quoi, je veux dire, ça c'est bon, d'accord, bah, de toute façon, moi, je peux plus vous aider, là. Si c'est vous pas avez le bon pas la numéro... possibilité de les retracer ? Bah non. Ah, je peux retrouver l'adresse si j'ai le numéro, mais là, c'est en l'occurrence, si c'est EDF, c'est pas son numéro. Il a donné, là, vous avez quoi ? Attendez, je vais prendre de quoi noter, là, parce que là, j'ai porté plainte, donc je vais recommencer. De toute façon, on n'arrête pas, donc on va faire sans arrêt, hein. Alors, on va recommencer. Par contre, j'ai beaucoup d'appels, madame, donc je vous laisse, hein. Non, mais donnez-moi plainte, le vous numéro. Dites à quelle heure vous avez reçu les appels, ils vont demander une réquisition à l'opérateur c'est et ça, ils vont ressortir les numéros. Très bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Non, là, il t'appelle. Bon, ben voilà, c'est bon. Eh oui, bah c'était pas bon, justement, tiens. Et puis, on avait encore appelé 10 derniers coups juste après, puisqu'il nous avait raccroché au nez, ce qui était dommage. Bah oui, et là, c'est triste, ça se fait pas. Bah oui, et là, ça a été le summum. Oui, maintenant que vous avez toutes les infos, vous pouvez répondre à la question. Quelle question ? Bah, de savoir si vous avez déjà fait un annulaire. Mais arrêtez de me casser ! Tu vas commencer à me casser les couilles longtemps, espèce d'enculé, là ? T'as bien compris, là ? Maintenant, on a tracé ton numéro. Oui. Eh ben, tu vois, on a tracé ton numéro, tu vois, guignol ? Tu te fais niquer comme un âne. Donne-me-le. Donne-me-le. Non, je lui nique. Donne-me-le, donne-me-le. Bon, Stéphanie qui dit j'adore le Yonas. Il y en a suffisamment assez. Il y a Benoît qui dit on l'a entendu, je sais pas combien de fois, bah deux fois cette semaine. Et j'en ai toujours les larmes aux yeux tellement je rigole. Et il y a aussi un message qui, il y a Magda qui dit Tof, tu te fais pas assez ramonner apparemment d'après le juge d'application des peines. C'est bizarre. Et le lendemain de cet appel qu'on a eu diffusé donc mercredi, nous avons appris qu'il avait vraiment porté plainte. Mais je rappelle que c'est donc Tof, T-O-F, qui fait ses appels. Donc si vous voulez porter plainte, n'hésitez pas, bien entendu. Je suis témoin. Oui, moi aussi. Je suis contre Tof. Voilà, totalement témoin, voilà. Y a aucun problème. Yangia qui dit la meuf veut enculer tout le monde, mais sans Tof ça va être difficile. Bah oui, j'avoue, effectivement. Et Quentin qui dit mais quel fou ce juge là, ça me fera toujours rire. Non mais surtout qu'il était quand même. Tu sais quand tu s'énerves à la fin là, mais donne-me-le. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, hein, donne-me-le, mais bon. Il y a Jean-Michel qui dit aussi, on peut aussi dire pervitofique. Angela qui avait trouvé catastrophique. Il y a Jean-Marc qui dit vous êtes très fort, big up à toute l'équipe. Et puis Elsa, puisqu'on va en parler encore évidemment, des arnaques, qui dit moi c'est pas une arnaque, mais je me suis fait voler mon sac avec des places de concert dedans. Et je les ai retrouvées sur le bon coin, j'ai menacé de porter plainte pour pouvoir les récupérer. Bis à tous, c'était signé Elsa. Et puis ma femme a commandé des mitaines pour notre mariage en Chine. Elle les a jamais reçues. Obligé d'en acheter d'autres trois fois plus chères en France, c'était Stéphane. Et quant à qui dit j'ai commandé un BMX à 1500 €, je n'ai jamais rien reçu. Ah oui, ça c'est. Ah oui, là c'est violent. Hein. Et il lui dit aussi qu'il est mort de rire, le flic l'a appelé madame, tu t'es fait niquer comme un âne. Comme un bel âne, hein. Ah oui, un bel âne. Beau mulet. Et attention, voici la vanne du soir. Gaëtan qui dit à part Nelson, tout le monde est là. Je trouvais ça relativement. Il a essayé. Ouais, franchement au bout effectivement. Mais il a essayé. Bon, on va prendre Axel avec nous maintenant de Belleval là. Axel, t'es là? Ouais, salut tout le monde. Ça va? Salut. Ouais, vous? Bah, tranquillement. Alors Axel, toi tu voulais parler des arnaques? Ouais, en fait si je me suis fait bien arnaquer, c'est donc j'avais une copine. Ouais. Et donc elle avait l'habitude de venir à la maison et tout, et puis elle faisait que elle adorait mon chien, j'avais un petit caniche blanc. C'était la dernière fois. Et attends, tu peux recommencer parce que j'ai entendu arnaque et puis copine et puis caniche blanc. Ouais. Et dans la même phrase, ça fait bizarre. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai pas vraiment eu le fil. Alors vas-y, réexplique un peu. Bah en fait, c'est comment à la dernière Saint-Valentin, en fait, j'avais promis à ma copine de lui acheter le même caniche blanc que j'ai chez moi, en fait. D'accord. Ok. Ouais. Bon, comme ça, t'avais un petit frère, petite sœur, non? Pour le caniche? Enfin, un cousin. Non, rien, c'est pas grave. C'était pas le plus important. Te pose pas trop de questions, oui, raconte. Vas-y, continue. Ouais, donc en fait, donc là je lui promets, mais bon, j'avais pas les moyens pour acheter chez un vrai vendeur d'animaux ou je sais quoi. Donc du coup tu l'as acheté sur internet? Non, il l'a volé. Ouais, voilà, ouais, j'ai volé. Bah, c'est donc je l'achète sur le Bon Coin, comme ça je vois une caniche. Un chien sur un Bon Coin? Ah oui, bah... Non, mais c'est bien. Ouais. Bah c'est... Et quoi, le mec il te l'a expédié par la poste? Ouais. Avec un peu d'eau, un peu de bouffe et puis beaucoup de merde. Dans une enveloppe à bulles. Exactement, ouais. Pour pas qu'il ait mal. Non mais attends, mais t'es pas sérieux, t'as quand même pas acheté un chien sur le Bon Coin? Ah bah si, c'était deux fois moins cher que... Ah oui, bah oui, bah ça c'est sûr. Mais en fait il était deux fois moins vivant aussi. Voilà, bah justement, j'y viens. Ouais. J'y viens. C'est-à-dire que comment... voilà, 200€, donc je l'ai bien profond. Ah bah oui. Et temps, donc là, tu m'aurais appelé, je t'aurais pris 100€ pour te dire que t'aurais rien. Bah en fait, oui, bah c'est surtout qu'après, donc je le reçois donc une semaine plus tard dans une petite cage. Et bah justement, vous l'avez dit, le petit chien, le petit caniche blanc, il était bien blanc, c'était bien un caniche, sauf qu'il était mort. Non, t'as reçu un cadavre. Moi je pensais que t'allais nous dire que t'avais reçu genre une petite statuette, une peluche ou n'importe quoi. Mais, il était empaillé ou il était juste clamsé dans la cage? Ah bah il était carrément clamsé, hein, tout ce qui est le plus mort. Oh là là là. Mais t'es pas sérieux là quand même, si? Oh, c'est bon, bah ça. Si, c'est limite si j'aurais pu offrir un chien au curry pour la Saint-Valentin. Ah, très bon de toi. Très bon de toi, bien de toi. Non mais sérieusement, putain, et ouais bah du coup tu peux rien faire sur le Bon Coin. Ah bah non, bah du coup là c'est y a rien de d'officiel. Ah c'est bon, c'est le cas de le dire. D'accord, ah bah oui, ok. Bah, ouais, ouais. Chien. Bah oui, tu l'as filé quand même à ta copine ou pas? Pardon? Ah bah oui, le chien mort. Tiens, tu parles de ton porte-clés. Tu l'as filé à ta copine quand même? Non, non, je vais offrir une peluche, hein, une peluche. Ah bah c'est plus raisonnable. Bah, c'est sinon, mieux. Sinon t'emballais la cage, tu lui fais mort, tu fais putain merde, j'aurais pas dû le laisser aussi longtemps dans la voiture au soleil. Ouais, ah putain, violent. Bah dites-nous les autres si vous vous êtes déjà fait escroquer, tiens, n'hésitez pas. Pedro, tiens, le sous-chef, il s'est déjà fait escroquer ou pas lui? Jamais. Jamais. Même avec nous, je pensais que t'allais dire ouais, si, avec l'équipe du soir, non, jamais. Non, non, je suis content que vous soyez là. Oh so sweet. So sweet. Voilà, c'est beau, c'est beau. Bon, mais il ne pense évidemment pas du tout ce qu'il vient de dire. Non, c'est parce qu'il sait que c'est nous qui le ramenons à l'hôtel ce soir. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah dites-nous si vous vous êtes déjà fait escroquer justement. Tiens, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000. N'hésitez pas, depuis la Belgique, le 02 851 4x0 et tous vos messages qui arrivent en direct bien entendu sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter de l'émission, tapez Mickaël officiel et puis par SMS aussi hein, vous mettez Mickaël en début de message, espace votre message. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 30 44 depuis la Belgique. Axel, merci à toi d'être passé. Ouais, bah merci. Quand je peux gratter un petit cadeau Non. D'accord. Non, si, tu vas gérer ça. On a laissé Dexter, le stagiaire, au standard à Paris, donc tu vas pouvoir gérer ça avec lui. Ouais, bah merci, bah vous êtes géniaux. Je t'en prie. À bientôt, salut à toi, Axel. Ouais, salut. Ciao, à bientôt Axel. Et je rappelle qu'il y a aussi la PlayStation 4 encore à gagner. Ce sera dans la colle dans quelques minutes avec notre ami Benjamin et les 500€ qu'on vous offre avant la fin d'émission. Hein, si vous voulez les choper, les 500€ pour acheter ce que vous voulez, rencard maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a une photo avec un billet de 500 et il suffit simplement d'aller faire un like et un partage de cette photo. Si vous êtes tiré au sort avant la fin d'émission, à vous le billet de 500€ cash. En tout cas, bonne chance. Et puis faites passer le message. Il y a Benoît qui dit: mon ex a pris un chien sur le Bon Coin, plus cher qu'en animalerie. Le chien était volé, résultat garde à vue et après le vétérinaire. Ouais, bah ouais, en plus c'est pour l'acheter plus cher que le prix normal. Si tu veux, t'es quand même bien con. Il y a Max qui dit: j'ai trouvé Toff sur le Bon Coin, il a coûté 1€. Et c'est cher payé encore, déjà. Et encore, hein. Franchement, c'est déjà cher payé. Bah, c'est ce qu'il dit, hein. C'est plus cher que si t'avais acheté un vrai. Et Julien, le gars Skinkin, qui dit il a reçu un Klebsmore, c'est quand même violent. Ah ouais, franchement, oui, je m'attendais à ce qu'il. Tu sais, des escroqueries, genre tu reçois une peluche ou. Ou tu reçois rien, quoi. Mais la un cadavre de chien, quand ils même. Se prennent la tête, quand même. Ah ouais, c'est violent. Bon, au cœur d'une heure sans pub, sur Fun Radio, on va prendre Devon dans quelques minutes. Et puis, on va se faire. Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Jason Derulo. Ouais. Ça me paraît pas mal, ça. Dirty Talk sur Fun Radio, il est 21h28. On est en direct de Montpellier jusqu'à minuit sur Fun Radio. Bienvenue et merci d'écouter Fun tous les soirs. I'm that flight that you get on. Get jazzy on. What? I don't understand. Nos limites. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio, dans les studios de Fun Radio à Montpellier. On est à la cool, hein, pépère, tout va bien, tranquille. Les photos, vous pouvez les retrouver bien sûr sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Et il y a Colline qui dit, ça vous dirait pas de venir faire un coucou à Toulouse pendant les vacances de Noël? Non Colline, parce que tant qu'à faire, on va venir à Toulouse quand il fera beau, tu vois. Donc on va plutôt réserver ça pour le mois d'avril, je sais pas. Paraît pas mal en avril. Ah ouais, moi je suis d'accord. Très bien, ben, on verra, mais en tout cas on passera à Toulouse, c'est sûr. Il y a en plus comme Polo adore l'accent. Il a rencontré une Toulousaine. Et l'accent et tout ça, il y a quelque chose qui s'est passé quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu beaucoup de la blonde de courant électrique qui est passé, exactement, très très électrique. Et moi je pense que ça peut être pas mal. Ah bah oui, ça c'est pas mal. Dès que je vous ai vu, moi directement je me suis dit il se passe un truc. Alors positif ou négatif, je ne sais pas, je suis pas voyant, mais on déteste tout, on se déteste. Tout ce qu'elle aime, je déteste, et tout ce que je déteste, elle aime. Exactement. Donc c'est quelqu'un de bien. Mais je sais pas. Bah voilà. Bon, Julien qui dit de rouleau de PQ, c'est drôle ça Julien. Jérémy Love qui dit bonsoir l'équipe, je comptais vous rejoindre à Montpellier pour fêter mon anniversaire avec vous, mais ma voiture m'a lâché, week-end de merde. Oh merde Jérém, tu vas prendre les transports, je sais pas moi. Anaïs qui dit en plus il y a le tramway qui s'arrête juste sur la place de la Comédie là. Anaïs qui dit oui, pour ma première voiture, je me suis fait arnaquer sur deuxième main. J'ai reçu une mini voiture de petit. Oh putain, les enculés quand même. Il y a quoi le prince? Ils ont peur de rien quand mais même. Ouais, le prince Nadia qui dit aussi. Apparemment Mickaël Toff, Polo et Sandro ont été à la grande mode. J'ai eu la chance d'y aller en vacances, c'était très bien. Eh ben écoute, on n'y était pas en vacances, mais c'était très bien quand même. Et puis 7 du sac 9 qui dit il faut lui dire que. Ah oui, ça c'était par rapport à tout à l'heure, donc ça n'a plus trop d'intérêt. On va prendre Mehdi avec nous maintenant là, 20 ans d'Aix-les-Bains. Salut Mehdi. Salut, ça va? Bah ça va bien et toi? Bah ça va tranquille, bon. J'ai raconté ma petite histoire. Ah toi aussi tu t'es fait arnaquer? Ah ouais, bah pire que ça, je me suis bien pris à l'envers moi. Ah, tu t'es fait prendre à l'envers, c'est-à-dire Non, c'est pas exactement ça, mais... Non, tu alors... fais ce que tu veux de ta sexualité, y a pas de souci, hein. Ouais. Alors, non, mais moi, il m'est arrivé un petit truc un peu spécial, on va dire. Oui, bah on t'écoute. Ah, alors moi, j'ai mis ma petite annonce sur le bon coin, je vendais mon appareil photo réflexe, le dernier, parfait, tout nickel, quoi. Et on me contacte par email, il y a un mec qui me dit, ouais, il n'y a pas de souci, je te l'échange contre un iPhone 5, on peut faire l'échange dans ma région, il était de Toulouse. Et moi, je lui dis, bah écoute, je suis pas de là-bas, donc si tu veux, on peut faire un envoi par colis ou quoi, un petit échange simultané. Et il me fait, il n'y a pas de souci, on s'échange nos cartes d'identité et tout, il n'y a pas de problème. Donc moi, je lui envoie ma carte, il m'envoie la sienne. Donc tout était dans les règles et tout. Il me dit bah on fait ça mardi, on va à la poste ensemble, on se dit quand on y est, on s'envoie le truc ensemble. Ça pue l'enfume. Donc, vas-y ouais. Donc je lui dis y a pas de problème. Et donc moi j'envoie le colis, j'étais tranquille à la poste, lui envoie et je lui envoie un petit numéro de suivi. Donc jusque là tout allait bien. Lui il m'envoie un numéro de colis, il me dit oui tout est parti, y a pas de problème, je t'ai envoyé l'iPhone à ton adresse. Donc je vérifie le numéro de colis. Alors apparemment c'était un colis envoyé de Paris. Donc lui habitant à Toulouse, c'était un peu bizarre déjà. Donc là, il a commencé à courir après le colis, mais qui était déjà parti, donc forcément c'était compliqué. Ouais voilà. Donc après il dit oh, mais je me suis trompé, c'est pas le bon numéro, je vais t'en envoyer un autre. Il n'y a pas de souci, plus de réponse de sa part. Ouais. Alors je vérifie mon petit suivi de colis de mon appareil, il arrive chez lui, il n'y a pas de problème. Et du coup je l'appelle. Il me répondait pas. Je lui envoie un petit message. Il me dit ouais. Alors j'avais un petit pressentiment. Alors le mec médium, je sais pas comment. Il me dit j'avais un pressentiment. J'ai reçu un colis vide. Oh, l'enculé. Alors d'accord. D'accord. Alors, ah ouais bah ça c'était alors, sûr. Alors moi j'avais bien payé un appareil photo à 700 balles et au final bah il y avait rien dans la boîte. Quoi, disons, alors qu'il y avait les garanties, il y avait tout dans la boîte. Hein, ouais, sauf ouais, la ouais. facture. Bah il faut se méfier. Et moi aussi, il m'a pris pour une truffe, le mec. Et il a cru qu'il était tombé sur un mongolien. Un mec, il veut aussi m'acheter un truc. C'était sur, je suis plus sur quel site. Le mec, il dit ouais, t'inquiète, je te paye, fais-moi une demande PayPal, je sais pas quoi là. Donc tu le fais. Et après, en fait, il te renvoie un faux mail de PayPal qui dit oui, envoyez le numéro de colis et après l'argent sera débloqué. Sauf que si tu le fais, ah ouais, parce que ça vient pas de PayPal et tu l'as profondément, bien profond justement, tiens. Donc méfiez-vous et regardez bien les mails et tout parce qu'il y en a plein des enfumeurs, hein, je peux vous le dire. Oh là là. Ah mais y a que ça en ce moment. Ah bah ouais, franchement ouais. Et donc toi Mehdi, donc toi tu l'as eu profonde quoi. Donc ouais voilà, donc moi j'ai porté plainte, là ça suit son cours, apparemment bah il y a toujours pas de nouveauté. Ouais. Donc bah j'attends. D'accord. Mais bon, je me suis pris 700 euros dans les fesses quoi, en attendant. Ah ouais, ça fait mal. Bah ça aurait pu être pire, hein, faut te dire ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est non mais il faut. Bah très bien, Mehdi, en tout cas, merci d'être passé. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Hein. Bah ça va, je vous remercie. Bon, ça merci roule. À toute l'équipe. Hein. Merci. Allez, bonne soirée. Mehdi. À bientôt. Allez, ciao. Mehdi, ciao à toi. Marine, on va essayer de récupérer, on va essayer de rappeler ton mec. Tu nous avais appelé en début d'émission pour en gros, tu lui as jamais dit que tu le kiffais, mais tu veux pas lui dire, mais tu veux qu'il le sache sans que tu lui dises. C'est compliqué quand même. Non, hein, en fait, elle aimerait bien que ce soit lui qui lui dise qu'elle la kiffe. Voilà. Donc enfin, on avait essayé de l'appeler tout à l'heure, c'était le répondeur. On va réessayer maintenant. Ok. Allez, c'est parti. Si jamais c'est de nouveau le répondeur, bah à ce moment-là, on peut rester un autre jour si tu veux. Mais là, à mon avis, ce sera le répondeur jusqu'à la fin de l'émission. Bon, ça avait sonné tout à l'heure aussi. 06. Allô. Allô. Oui. David. Oui. Salut David, c'est Mickaël. Dis-moi, on se connaît pas, David. Tu connais Marine? Oui. Ah d'accord, ok. En fait c'est une copine à moi et je t'appelle parce qu'elle me parlait beaucoup de toi donc elle veut. Enfin tu vois où je veux en venir ou pas? Oui un petit peu. Oui. Ah d'accord, ok, très bien. Bon donc si tu vois où je veux en venir, c'est parfait, je dois pas trop en parler quoi. Ok. Voilà. Donc on est bien là? Bon ouais. Ok, bon alors super. Bon bah merci beaucoup David. Hein. Ouais. Salut. Salut. Bon bah voilà Marine, parfait. Ben voilà. Truc qui a servi à rien. J'ai rien compris à cet appel. Pourquoi t'as raccroché? Bah je lui dis tu vois où je vais venir. Il me dit oui. Je dis bon bah très bien. Mais ça se trouve il pensait autre chose lui. Mais oui, t'es relou son gros. Non, rappeler, bah oui, t'aurais dû pas, lui là. Demander à quoi il pensait. Oui c'est vrai. Ouais. Allez on le rappelle. Bon attends je le rappelle. Comme le Jap. Ouais attends bouge pas Marine. C'est vrai que j'aurais dû demander à quoi il pensait. Ouais. Bon. Et là ça va être le répondeur, c'est mort. Allô David? Oui. Ouais excuse-moi c'est le nouveau Mickaël mais tu pensais à quoi? Bah je pense déjà c'est passé trop vite donc il faut que ça prenne du temps on va dire. D'accord, mais c'est passé trop vite c'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que en 2 semaines connaître elle plus le petit c'est chaud. Ah oui par rapport à ça, oui bien sûr évidemment, oui tout à fait ouais. Donc il faut le temps là-bas de digérer. Oui. D'accord, ok. Mais dans l'absolu, tu l'aimes bien quand même, quoi. J'avais des petits sentiments et tout ça, et puis... Enfin... Bon, après, il y a eu le petit, et puis bon, bah, faut réfléchir, quoi. Ouais. D'accord, ok. Non, mais voilà, comme ça, après, je peux lui dire et tout, et donc comme ça, je sais que tu reviens. On va dire qu'il faut prendre le temps, mais bon, après... Ah oui, bah voilà, il faut laisser pisser le mouton, comme on dit. Oui. D'accord, très bien. Bah écoute, c'est noté, je lui dirai, alors pas de problème. Mais merci, David, hein. Ok. Salut, hein. Salut. Bon bah Marine, au moins tout est dit là. Ouais, hein, c'est bien. Il faut laisser pisser, donc laisse-le un peu pisser et puis bah tu reprendras contact avec lui et puis j'espère que ça se passera bien. En même temps, c'est vrai que si vous vous connaissez depuis pas longtemps, mais oui, qu'il pas... avait des sentiments pour toi et que direct après 2 semaines, bah oui. Paf, tu lui dis bah en fait si tu me prends, faut être beau papa aussi en même temps. Hein. Oui. Je peux concevoir qu'il soit un peu perturbé. Ouais. Tu vois, c'est normal. Bon, écoute, t'inquiète pas Marine, je suis sûr que ça va bien se passer. D'accord. Ouais, bah, je vais essayer d'y penser. Ah bah de toute façon, faut pas lâcher l'affaire. Hein. Ouais, n'y pense pas trop pour que ça te pourrisse pas la vie non plus. Hein. Ouais. D'accord. Bon, je te fais des bisous, Marine. Par contre, je peux faire une petite dédicace. Bah vas-y, il y a une personne, hein, tu connais la règle. Hein. Non, je connais pas les règles. Et bah je te le dis, à une personne alors, Marine. À une personne. Choisis la bonne. Ah oui, faut choisir la bonne. Hein. Ça je vais faire une dédicace à mon frère. Ah bah très bien. Ah bah voilà, le message est pas. Ah putain, il a fallu réfléchir, hein, Marine. Ah bah très bien. Ah bah écoute, la dédicace est faite, y a pas de problème, Marine. Je te souhaite une bonne soirée. Et tu reviens quand tu veux sur Fun. D'accord, bah merci. À bientôt, Marine. Ciao à toi. À bientôt. Allez, appelez-nous aussi, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va reprendre Benjamin là pour la colle. Benjamin, t'es là, Benji? Moi, je suis là. Très bien. Allez, c'est parti pour la colle. Répète la colle, s'il te plaît. Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez M-I-K-L suivi de votre message, de votre réponse au 64 900 ou au 63 22 par SMS depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Il y a Yvon aussi qui proposait une chouette. Non, il y a Céline qui proposait la mayonnaise. Non, il y a Mathieu qui proposait une roue. Non. Une sculpture. Non. La chance. Non. Une toupie. Non plus. Une toupie, ça s'écrit pas avec deux E quand même. Une pelleteuse, c'est Arthur. Non plus. Le compas. Non. Un micro-ondes. Non. Ou alors l'heure. L'horloge, quoi, non. L'heure. Non. C'est pas ça non plus. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. On donne la réponse d'ici une bonne vingtaine de minutes pour gagner la PlayStation 4. Vous envoyez simplement maintenant donc M.I.K.L. suivi de votre réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Donc je répète, je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? Si personne ne trouve la bonne réponse, ou en tout cas passe à l'antenne en donnant une mauvaise réponse ou ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Benjamin. Et si quelqu'un trouve la bonne réponse, eh bien c'est lui qui repartira avec la PlayStation 4. A tout à l'heure, Benji. A tout à l'heure et puis restez bien sur Fun Radio puisque je vais vous passer dans quelques minutes le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Katy Perry avec Walking on Air, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes. Sur Fun Radio, on aura aussi le chéri, je peux te faire cocu, que nous avons eu l'occasion de faire lundi dernier et qui lui aussi était une tuerie. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça va arriver. D'ici quelques minutes, les 500 euros, la PlayStation 4, on va prendre également Julien pour les arnaques. Devon également de Marseille, ça va le Marseillais ? Ça va. En pleine forme ? Ouais, la forme. Hein. Bon, de quoi on parlera dans quelques minutes avec toi, dis-moi. Il y a une anecdote qui s'est passée au lycée il y a une semaine en arrière. Enfin, tout, enfin de lundi jusqu'à vendredi. Une anecdote ? Ouais. D'accord. Eh ben, une anecdote écoute, de 4 jours. Oui, une anecdote de 4 jours, c'est oui, pas c'est mal. Une grosse anecdote. Exactement. Ben, ne bouge pas, Devon, on va en parler dans quelques minutes avec toi. Et puis Katy Perry, Walking on Air, c'est ce qui va arriver juste après sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. C'est Mickaël No Limit, bienvenue. On est en direct de Montpellier jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël No Limit. En direct des studios de Fun Radio Méditerranée jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Nos limites. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Yes, on est en direct sur Fun Radio à Montpellier. On est là jusqu'à minuit comme tous les soirs. Comme tous les dimanches soirs. Voilà, il y a les photos d'ailleurs aussi, hein. Tous les auditeurs sont passés nous voir sur le Facebook. Si vous voulez aller voir facebook.com/mikaelofficiel, vous pouvez aller voir aussi sur celui de Fun Radio bien entendu. On va se faire le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Chéri, je peux te faire cocu qu'on a eu l'occasion de faire lundi dernier et qu'on va vous remettre puisque bah forcément, comme on fait le dimanche de 20h à minuit, il y a des auditeurs qui nous écoutent que le dimanche et qui ne peuvent pas forcément être là la semaine quand on est là de 23h à 2h du mat. Voilà pourquoi on va vous remettre dans quelques les minutes. Pauvres. Bah oui. Évidemment les pauvres. Donc du coup on va vous remettre le chéri, je peux te faire cocu. Devon, dans quelques minutes, qui va débarquer aussi, qui voulait nous parler d'anecdotes marrantes au lycée apparemment, qui a tenu pendant toute une semaine. Donc je sais pas si c'est marrant pour lui ou marrant pour celui qui a eu l'occasion de lui faire. Julien qui voulait parler d'arnaque, la colle avec Benjamin et toujours les 500 euros à gagner. Je vous rappelle qu'on fera le tirage au sort tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio. Donc si vous voulez tenter votre chance, eh bien il suffit simplement de venir, et en plus le concours est gratuit donc profitez-en, de venir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, et puis bah vous faites un like et un partage sur la photo où il y a le billet de 500 euros. Si vous êtes tiré au sort, eh bien vous repartirez avant minuit avec 500 euros cash. C'est aussi simple que ça. facebook.com/mikaelofficiel, à vous de jouer dès maintenant sur Fun Radio. Bonne chance tout le monde. On va se faire le son de Katy Perry maintenant sur Fun Radio avec Walking on Air. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit, toujours en direct de Montpellier. On est là jusqu'à minuit sur Fun. No Limit. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio, ouais, 21h52 là, voilà. Et tous les auditeurs qui sont avec nous ce soir dans les studios de Fun Radio à Montpellier, où on a d'ailleurs été très très bien accueillis. Et merci d'ailleurs aussi au resto, c'est le Gusto qui nous avait bien mis hier aussi, sauf Polo qui a eu une petite allergie. Mais bon, c'est parce qu'il est chiant ça. Il a toujours un problème. Mais il faut toujours qu'il ait un problème. Voilà, mais c'est ça. Pour rien, j'ai pas choisi de faire des mais allergies. Oui. Et qui nous ont bien mis ce soir également, bah, surtout ouais. Sandro, c'est-à-dire qu'elle a dû prendre au moins 7 kilos juste ce soir. Mais vous m'avez forcé à manger. Oh, ouais, ton d'ailleurs, cinéma. Si. Tu reviens un moelleux au chocolat ou pas, Sandro ? Non, merci. Ah, c'est ça. Non, parce qu'il en reste, hein, il t'appelle. Ouais, et tout. T'inquiète, si, il t'appelle, ils sont là. Sandro. Oui, c'est bon, vous me forcez à faire des écarts. Oui, oh, le salaud, oui. Il m'en a mis un sous les yeux. Mais oui, c'est ça, bonjour, salaud. Ouais. Bon, d'accord, viens ici.

Numéro 2, mon ami Quinquin. Quinquin donc. Et enfin, numéro 1. Dédé le routier. Dédé le routier. Numéro 1 alors. Eh oui, numéro 1. Quand même. Pas mal, pas mal. Bon, alors du coup, les autres, si vous voulez vous aussi jouer, n'hésitez pas. Hashtag Mickaël, vous mettez un maximum de messages. Et puis, on vous filera peut-être justement ce magnifique sextoy. Lequel c'est aujourd'hui? C'est GG le magnifique ou... Non, c'est Gilbert le magnifique. Gilbert, pardon, ouais, autant pour moi, ouais. Bon, on verra en tout cas dans l'absolu. Si vous voulez jouer, donc hashtag Mickaël, vous mettez un maximum de messages. Et si vous êtes tire au sort, si à la fin de l'émission vous êtes troisième du top tweetos, c'est gagné. Et quand est-ce qu'on fait gagner le top le ridicule? Merci public. C'est vrai. Je vous aime. Voilà, bientôt Polo en tournée dans toute la France. Avec son one man show. Avec le one man show. One man show. Avec le one man show. Exactement, ce qui sera catastrophique. Catastrophique, voilà. Pour faire plaisir à Angelina. Catastrophique, tout à fait, ouais. Bon, allez, tous les messages, allez-y, appelez-nous, n'hésitez pas. Et dans 10 minutes maintenant, allez, voilà, on va dire ça, 10 minutes, le résultat pour gagner la PlayStation 4. D'ailleurs, on a le temps de prendre Benjamin encore une dernière fois maintenant. Benjamin, t'es là? Ouais. Bon, alors, toujours de Bourg-en-Bresse, Benjamin, et tu avais la colle pour ce soir, donc, pour tenter de repartir avec la PlayStation 4. Vas-y, on t'écoute. Je peux tourner sans bouger, qui suis-je? Je peux tourner sans bouger, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, sachez qu'il y aura peut-être une PlayStation 4 pour vous. Si vous êtes tiré au sort et que vous avez la bonne réponse, que vous passez l'antenne avec moi, eh bien, vous repartirez avec votre PlayStation 4. Et du coup, Benjamin perd. Et si jamais personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on va appeler en direct ne décroche pas, c'est toi qui gagneras, Benjamin. Donc, il y a Antoine qui propose un tournevis. Non. Non, il y a Dylan qui proposait pour la colle. Est-ce que c'est pas la Terre? Non. Il y a Elodie qui proposait une boussole. Non plus. Ou encore une caméra. Non plus. Non. Bon bah tant pis, alors c'est pas grave. Bon bah les autres, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi jouer bien sûr sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Benjamin, tu restes avec nous. On va te reprendre dans une dizaine de minutes maintenant pour savoir si oui ou non tu repars avec la PlayStation 4. Benjamin, à tout à l'heure. À tout à l'heure Benji. Bon voilà, facebook.com/MIKL officiel. Il y a également Elodie qui dit c'est époustouflant. Ah, j'aime bien c'est pas mal, le époustouflant. Il y a Lorraine aussi qui dit ça met de bonne humeur de vous écouter en bouffant le Nutella à la cuillère. Va en paraître, son nom va. Tant pis pour les kilos, c'est ma tradition du dimanche soir, je vous kiffe. Elle a bouffé une crêpe au Nutella aussi tout à l'heure. Hein, ah ouais, j'ai kiffé. Sur la place de la comédie. Ayoub aussi qui dit t'es une grosse salope, ça c'était pour Toff bien sûr. Et Magda qui dit le va te faire enculer gros bâtard, j'adore. Et Don Gomez Correia qui dit Mickaël, le best du canular. Bah écoute, on essaye d'en faire, c'est vrai que grâce à vous ça marche assez souvent bien. Donc si vous voulez continuer à nous filer un coup de main et à les faire, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous restez là. C'est gros bâtard. Et gros bâtard, bien sûr. Hein, on pense à notre ami du Nord. On se met à Culmore dans quelques minutes sur Fun Radio avec White Walls. On est toujours en direct, bien entendu, de Montpellier jusqu'à minuit. Toutes les photos, si vous voulez les voir de ce week-end et de la soirée là maintenant avec tous les auditeurs, vous pouvez voir ça, bien sûr, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Mickaël, No Limit, en direct des studios de Fun Radio Méditerranée, jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. No Limit, jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Mais oui, on est toujours sur Fun Radio, on est toujours à Montpellier, on est toujours là jusqu'à minuit. Voilà, avec le public qui est avec nous et Apollo qui se prend pour un... Le public est chaud. Pour un chauffeur de salle. J'adore, donc c'est ça. Très bien. Toujours rêvé de faire ça, merci public. Bah oui, c'est ça. Bon, allez, donc continuez à balancer tous vos messages. Venez nous rejoindre aussi, hein, si vous êtes sur Montpellier ou dans le coin. On est là jusqu'à minuit dans les studios de Fun Radio, c'est sur la place de la Comédie. Alors c'est une petite rue un petit peu sur le côté, mais bon, on vous donnera l'adresse si vous voulez, il n'y a pas de problème. On est derrière le commissariat. On est derrière le commissariat, exactement. Ils sont venus pour Toff. Voilà, ils vont venir le chercher, vous allez voir, ça va pas traîner parce que comme le juge d'application des peines a porté plainte, ça se trouve il se fera arrêter à Montpellier. Ouais. Voilà. L'information on verra. Est remontée jusqu'ici. Exactement, l'information est remontée, tout à fait. Je finirai le week-end en GAV. Exactement. Bon, en tout cas, bienvenue si vous voulez débarquer, donc c'est Mickaël No Limit. On va parler d'une vidéo dans quelques minutes, là, une vidéo d'une caméra cachée brésilienne pour la sortie du DVD de Chucky. Alors je vais vous la mettre dans quelques minutes sur le Facebook, vous allez pouvoir aller voir ça. Et puis nous donner vos avis, bien entendu. On va récupérer aussi Devon, on aura Julien. rien. On va encore se faire un petit appel avec Toff là. Hein. Mais oui, avec plaisir. Eh ben voilà, c'est ça. On va se faire ça dans quelques minutes. Je sais pas lequel, s'il y en a un, vous vous souvenez cette semaine. Alors, hormis notre ami le juge d'application des peines, évidemment. Hein. Si vous voulez en prendre un en particulier, s'il y en a un qui vous a marqué, s'il y en a un qui vous a fait marrer, n'hésitez pas à les proposer. Hashtag Mickaël sur le Twitter, pareil sur le Facebook de l'émission. Et puis on va se faire, je vous l'ai promis, le son de Michael Moore. Maintenant, c'est White Walls sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit jusqu'à midnight. Fun Radio. Fun Radio. On Fun Radio. Eh oui, en direct sur Fun Radio, ouais, bien évidemment. Hein. Grâce à... Hop là, grâce à Polo Le Chou. Je suis bon ou je suis pas bon? Mais très bon. Merci. Mais moins bon qu'au foot au gardien. Ouais, mais je sais pas. Je rappelle que Polo, on l'appelle maintenant The Wall. The Wall. Exactement. Vous ne passerez pas par voilà, moi. Voilà, vous ne passerez pas. Enfin, sauf les. Les filles. Sauf les 23 brunes, buts avec qu'on des a pris. Sauf les 23 buts qu'on a pris en 3 matchs. Ça te dérange pas que je parle pendant le temps de draguer. Il est en train de draguer là, il peut pas tout faire. C'est ça. Enfin, il essaye, hein, mais bon. Doris. Doris. Doris, c'est Doris. Oui, c'est Sandro. Approche-toi, Doris. N'aie pas peur, c'est un micro. Sincèrement, non, descends vers Sandro pour avoir un micro, parce que comme ça, t'entends. Ça va, Sandro. Doris? Oui, ça va très bien. Oh, quelle voix magnifique. En vrai, il a aucune chance. Il y a mon copain juste à côté. C'est lequel, le copain? Il est là-bas. Et, bon, on s'en fout, il est pas là. En vrai, il a aucune chance. Il y a le copain, voilà, ça se fait pas. Non mais je te comprends. T'as raison. Ah bah voilà, c'est ça. Je suis un homme marié, Doris, de toute façon. Donc, attends. Je ne veux pas de ton numéro de téléphone, je refuse, Doris. Ce qui est bien, c'est qu'elle a quand même dit non, mais il y a mon copain à côté avant de répondre. Sous-entendu, s'il n'y avait pas eu le copain, peut-être que. Non, elle a raison, pu... elle est fidèle, bravo, Doris. Ouais, oui, mais oui, c'est beau, par c'est contre, magnifique. La petite, là, comment tu. Parce qu'elle me dit Anaïs et. Et Naya. Au micro s'il te plaît. L'autre il fait ses courses vraiment. Il est au marché en Polo. Naya, il n'y a aucune chance avec Polo. Aucune chance. Non, j'aime les cheveux. Je suis désolée. Mais je te rassure, lui aussi, hein. Oui. J'adore ça, je m'essuie dans les cheveux des filles. Voilà, merci Polo pour cette information super importante. Je ne vous bon, parle allez, plus. Allez, on va offrir la PlayStation 4 maintenant. Benjamin, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu as balancé la colle à plusieurs reprises ce soir. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante. Ou peut-être personne hein. Et à ce moment-là, c'est toi qui vas gagner justement cette PlayStation 4 maintenant. On y va, on appelle, je rappelle le principe. Tu as balancé la colle plusieurs fois ce soir. Et j'avais dit qu'entre 10h et 10h30, on allait appeler le gagnant ou la gagnante éventuelle en tout cas, en direct à l'antenne. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne correctement et donne la bonne réponse, c'est gagné pour lui ou pour elle. Et dans tous les autres cas, c'est toi qui gagne, Benjamin. C'est parti, on y va, on appelle, on récupérera Devon, on récupérera Julien pour parler encore des arnaques et puis de la vidéo d'une caméra cachée aussi. Allô? Allô? Bonjour, comment tu t'appelles? Stéphanie. Salut Stéphanie, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, on est en direct de Montpellier là tranquillement jusqu'à minuit. Ouais. Voilà, et donc Stéphanie, tu es dans quelle ville? Tu as quel âge? Je suis à côté d'Arcachon et j'ai 28 ans. Très bien, alors Stéphanie, parfait. Est-ce que tu as... Bah déjà, Benjamin a une colle à te poser, Stéphanie. Oui. Je peux tourner sans bouger, qui suis-je? Le lait. Ouais, gagné. Bravo. Stéphanie, t'as pas honte d'enlever le cadeau comme ça d'un petit de 14 ans? Il est là le pauvre depuis 8 heures là, il attend et là toi t'arrives, j'ai 28 ans, et hop, c'est un truc de ouf quand même. Scandale. Oui, c'est en débauchant, j'ai entendu ça et j'ai trouvé. Eh ben voilà, bravo. Et Benjamin, le pauvre, le petit là, tu le laisses dans sa merde. Je suis désolé pour lui. Ah bah ça lui fait une belle jambe, tiens. Bon, et ben très bien. Bon bah Benjamin, on va quand même te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Dexter au standard. Ok. Salut Benjamin. Oh, il est dégoûté. Bah oui, mais dégoûté, c'est normal. Bon, on en filera d'autres hein, tout au long de la semaine sur Fun Radio, tous les soirs des PlayStation 4. Salut Stéphanie. Salut. Eh, c'est pour qui au fait la console? C'est pour toi ou ton mec? C'est pour moi, j'ai pas de mec. Ah, t'as pas de mec? Et tu vas garder la console? Bah oui. Et tu vas jouer à quoi? Mais si tu veux, on peut jouer ensemble. Hein. Il y a plein de jeux, il y a Assassin's Creed, il y a plein de trucs. Ouais. T'as pas envie de t'entraîner à Assassin's Creed et après, tu sais, avec un flingue, tu le mets en pleine gueule de Toff? C'est un truc avec ce que j'aime bien, c'est que tu dis ça juste au moment où la lumière s'éteint. Ouais. Ah, ça pourrait être bien. Ah, donc t'es une gameuse, toi, Stéphanie. Mais c'est bien. Bah oui. Bah très bien, bah écoute, la PlayStation 4 est pour toi, on va t'envoyer ça rapidos. D'accord, merci beaucoup. Salut Steph. Au revoir. À bientôt, ciao à toi, bye bye. Bon, et oh, Steph. Oui. Et t'as oui. regardé Miss France? Non, j'ai pas regardé. Et t'as vu quand même qui a gagné? Non. Ah bon, bon bah très bien. C'est improbable quand même, hein. C'est-à-dire que t'as pas j'étais internet. J'étais sur un match, j'ai pas pu regarder. Non, mais, oh, d'accord, mais t'as quand même internet, t'as quand même Facebook, t'as quelque chose. Bah oui, mais ça m'intéresse pas les Miss France. Non, mais c'est même pas la question de t'intéresser, c'est que t'as pas vu passer la photo même au. Non, jamais. Non, non. Pas non, j'en ai rien à foutre. En même temps, c'est une gameuse. Hein. Bon, bah d'accord, ok. Elle était coincée dans un jeu, probablement, level. Bon, salut à toi, Stéphanie, alors. Au revoir. Bah, j'ai raté l'occasion de voter, tiens. C'est dommage. Mais comme quoi, ça m'apprendra. On fera encore d'autres appels avec Toff, évidemment, dans quelques minutes. Et alors, attention, le lourd de jeudi, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Et pour ceux qui étaient, d'ailleurs, ils sauront de quoi je parle. Le canular que nous avons eu l'occasion de faire entre Marseille et Paris. Oh là là là là. Allez, l'OM. Chef-d'œuvre. Ah, du très, très, très. Mais alors, très lourd. De l'amour, je vous passe ça. Oh là là, on veut tout, en voilà, effectivement. C'était beau, c'était beau. On mettra ça vers 11h, donc restez bien à l'écoute de Fun Radio. Et puis on a Julien avec nous maintenant là de Gironde. Salut le Girondin, comment va Julien? Très bien. En pleine forme? Oui. À 16 ans, je m'attendais à ce que tu aies une voix un peu plus grave. Ah ouais? Mais oui, c'est normal, j'ai un petit retard de 3 ans. Ah t'as un petit retard? Bah, c'est pas grave, hein, ça arrive même au meilleur, c'est pas grave. Bon, alors ouais. Julien, toi tu voulais parler des arnaques. On en a parlé tout à l'heure dans l'émission, là, un gars qui avait acheté une Xbox One. Enfin, il croyait avoir acheté une Xbox One, sauf qu'il a été livré d'une photo d'une Xbox One une et qui plus est de piètre qualité, alors qu'il avait quand même payé 530 balles. Ça fait quand même cher la photo dégueulasse. Hein. Et il a reçu la boîte vide. Et bah même pas, il a reçu une photo. Ouais, il a reçu juste une pauvre photo dans une enveloppe. Ouais, il a reçu qu'une photo dans une enveloppe, cet enfoiré. Ah, bon. D'accord. Et du coup, Julien, c'est quoi toi l'arnaque? Je voulais acheter un portable sur Le Bon Coin. Ouais, encore Le Bon Coin. Et je vais finir par croire qu'il y a que des escroqueries sur ce truc. Ben ouais. Non mais on dirait, c'est-à-dire que le nombre de gens qui viennent en parler, c'est un truc de fou. Tu sais, je sais pas si vous regardez l'émission là de Julien Courbet sur TMC. Sans aucun doute, ouais. Et donc il y a un mec, il est pas, enfin il y a une meuf qui avait acheté une voiture sur Le Bon Coin et donc elle est passée dans l'émission et donc Courbet il appelle le mec et le mec il fait ouais mais j'en ai rien à foutre, ouais la voiture elle était pourrie, elle avait 200 000 km de plus, alors on va faire quoi? Et voilà, ils en avaient rien à foutre. Ouais, le mec il en avait rien à foutre, en direct à la télé il dit ça et puis il a raccroché. Mais c'est un truc de, mais ils s'en bat, oui ils s'en bat les couilles. Ah ouais, ils s'en battaient les couilles. Tu as donné l'argent. Eh hey, Julien. Oui. Bon, et donc, du coup, toi, d'autres arnaques? Mais en fait, du coup, on s'est donné rendez-vous à une mairie. Tu fais 10 ans, je lui mets une patate. Polo, vas-y, continue. Je balance direct. On s'est donné un rendez-vous à une mairie, je crois. Place des Grands Hommes, c'est ça? Ça vaut aussi, pour la patate. Ça va, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'était là-bas. Et du coup, le gars, du coup, il me montre le téléphone et tout, tranquille. Alors du coup, il m'avait montré une photo. Ouais. Je lui donne les sous, 100 euros. Ouais. Du coup, après, il me dit le lendemain, on se voit, même heure, même lieu. Ouais. Et du coup, le lendemain, j'y vais. D'accord. Et je l'attends, je lui envoie des messages, je l'appelle et il n'a plus jamais répondu. Ah bah ça m'étonne pas, tiens. Et du coup, tu es fait niquer, quoi. Voilà. Ah bah voilà, bah ça arrive. Au moins, ça t'aura servi de leçon, hein. Et toi, Polo, tu t'es fait arnaquer? Non, pas par internet, non. Pas par internet, non, parce que je ne veux pas. Il est réfractaire. Voilà. Je refuse d'acheter sur internet. Il est réfractaire à tout, il faut le savoir. Bah, merci Julien d'être passé tout en tout cas. Progrès technologique. Ouais, tout à fait. Merci Julien d'être passé, tu reviens quand tu veux. Hein. Ah bon, tu peux passer une dédicace? Bah vas-y, profites-en à une seule personne, Julien, tu connais la règle, hein. Vas-y. Mais je passe une dédicace à un de mes meilleurs potes, Lucas, qui m'écoute sûrement. Très bien, et écoute, il n'y a pas de problème, ça marche. Salut Julien. Merci, au revoir. A bientôt, ciao à toi. On aura Devon dans quelques minutes également avec nous là de Marseille. Comment ça va Devon? Ça va, la forme hein, toujours. Bon bah tant mieux Devon, tranquille. T'as déjà eu une arnaque toi? T'appelais pas pour ça mais on sait jamais. Ouais mais ça fait 4 ans déjà. Et c'est quoi? Tu t'es fait arnaquer comment? C'est une PS3. PS3, quoi, t'as acheté ou t'as vendu? Non, acheté, tu l'as jamais reçu? Non. Oh, donc j'ai été obligé de m'acheter une magasin. Oh putain, et tu avais payé combien? 300 euros. Ah oui, quand même, ouais. Ça fait 300 euros, ça fait mal au fion quand même. Hein. Bon, écoute, tu m'étonnes. Ne bouge pas de la Devon, on va en parler dans quelques minutes. Reste là. Je vous rappelle qu'il y a toujours les 500 boules à gagner là sur le Facebook de l'émission. Il reste 1h30 pour vous inscrire. Facebook.com/MIKL officiel. Et puis vous allez simplement faire un like sur la photo. Et la photo où il y a le billet de 500 euros. Voilà, si vous êtes tiré au sort, eh bien vous repartirez tout simplement avec 500 boules pour faire ce que vous voulez. Faire plaisir pour les fêtes, vous faire plaisir, bref. comme vous le sentez. facebook.com/mikl officiel. Et puis on va faire les appels de Toff maintenant, hein. Mais allons-y. Ça me paraît pas mal ça. On fait qu'est-ce qu'on fait alors du coup? Ah oui, il avait filmé vos rapports. T'avais appelé pour savoir si si les gens c'était déjà filmé, parce qu'en fait il y avait un couple, c'était en Belgique, c'était pas un couple, c'était un mec qui filmait tous ses rapports, et il y a une meuf qui l'avait gaulé et elle avait porté plainte, et donc le juge a dit non, tant qu'il les garde pour lui, vous pouvez rien faire. Voilà, donc on avait appelé des gens pour voir s'ils avaient déjà filmé leurs rapports et ça avait donné ceci. Allez. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. Vous êtes qui ? Moi, je m'appelle Toff. D'accord. Et alors ? Ben, et alors, je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. Oui, j'ai autre chose à faire, franchement. Que de vous filmer ? Allez, donc ça, c'était le premier appel, évidemment. Là, elle n'avait pas été très ouverte à la discussion. On avait donc fermé. Ouais, c'est ça. On avait totalement fermé. On avait donc rappelé une deuxième fois. C'était parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais, vous êtes qui là? Moi je suis Toff monsieur. Ouais, c'est bien pour ta vie cousin, mais appelle pas ce numéro, je te dis. D'accord, mais parce que en fait je posais une question à votre femme et on a été coupé. Non mais c'est pas ma femme, c'est ma daronne cousin, donc tu sais même pas, tu fais tes manières cousin, tu t'arrêtes d'appeler sur ce numéro là. Oui oui d'accord, mais parce qu'elle avait parlé. Non mais y a pas de. Oui oui d'accord cousin, c'est tout. C'est... Tu t'appelles pas, tu dis ok désolé, au revoir, c'est tout, point, ça s'arrête là, pourquoi tu veux faire des manières? Mais je fais pas des manières, c'est juste que vous avez pas répondu à la question. Mais ferme ta gueule avec ta question cousin, c'est tout, nique ta mère cousin, arrête d'appeler sur ce numéro là, c'est tout, point, mais s'arrête là. Je m'excuse mais je vois pas le rapport avec la question monsieur. Mais je m'en bats les couilles, hey, je te connais pas, qu'est-ce que tu viens me poser des questions? Bah, on se connaît moi, pas. Je me demande... hey, moi je te demande si ta mère elle s'est filmée cousin, non donc ferme ta gueule cousin. D'accord, mais parce qu'en fait... Bah, moi, bah, voilà c'est tout, ferme ta gueule, y a pas d'accord, ferme ta gueule, c'est tout, voilà vas-y, ciao. Mais attendez, ouais, vous avez pas répondu à la question. Mais non mais il a pas répondu à la question et du coup c'est pour ça qu'on l'avait rappelé encore une fois, tiens voilà. Là il s'énervait un petit peu plus. Bon enfin bon un détail quoi. Et t'as pas compris. Mais non je crois que c'est vous qui avez pas compris la question monsieur. Je répète ta question de merde là parce que je vais te gifler. Mais je voulais savoir si... ma mère, je vais te chercher, je vais te gifler. Non, je voulais savoir si vous étiez déjà filmé pendant que vous faites l'amour. Ouais, par ta mère. Ah donc vous connaissez ma mère? Bah ouais. Ah bon? Mais elle est réputée, non? Bah je sais pas, c'est à vous de me le dire. Ah bah ouais, bah moi je te le dis, elle est réputée, cousin. D'accord, et donc avec elle, vous avez déjà fait des films? Ouais, bah tout le temps. D'accord. Ah bah écoutez, c'est très gentil, monsieur. C'est gentil. Bah d'avoir répondu à la question. Ah bah voilà, au revoir. Hein, vous voyez, il suffisait de répondre. Ouais, voilà, c'est tout, au revoir. Voilà, allez, une bonne soirée, monsieur. Ouais, au revoir. Et donc la mère de Toff, apparemment, on le sait maintenant, est réputée dans le domaine. Une vraie star. Et voilà, c'est ça, une vraie star. Et je trouve ça beau. Bah je trouve ça beau. Bah, je savais pas que ma mère produise des films de cul, je savais pas. Bah écoute, on savait pas, non. C'est vrai qu'on savait pas. Bon, on fera d'autres appels encore. Ma pauvre maman. On fera d'autres appels encore tout à l'heure. Donc restez bien sur Fun Radio. On est toujours en direct de Montpellier. On aura aussi dans quelques minutes le canular de jeudi soir. Et puis on va se faire le son de Fédé Legrand maintenant sur Fun Radio. C'est Long Way From Home. Bienvenue, merci tout le monde. Et facebook.com/mikl officiel pour tenter de gagner vos 500 euros qu'on vous offrira avant minuit sur Fun Radio. Mikl débarque à Montpellier. Mikl, c'est Mikl No Limit. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. No Limit. Jusqu'à minuit. Fun. Mikl débarque à Montpellier. On Fun Radio. Et il y a Ludy Gameuse aussi là sur le Twitter. Car on est toujours évidemment en direct de Fun Radio, en direct de Montpellier. Ouais. Si vous voulez venir nous rejoindre, il vous reste 1h30, n'hésitez pas. C'est sur la place de la Comédie qu'on se trouve devant les flics. Enfin, un petit peu plus loin que chez les flics. Donc vous demandez, hein, sinon vous demandez à chercher Toff le terroriste. Voilà. Je suis là. Voilà, il est pas loin. Il y a Ludy aussi sur le Facebook, il dit faudrait que tu repasses l'appel et tu comptes combien de fois il dit cousin. Ah oui, oui, bah c'est vrai qu'il le dit souvent. Hein. Oui, oui, j'avais l'impression qu'on se connaissait, mais en fait non. Et mademoiselle Italiana qui dit passez l'appel de ma maman, s'il vous plaît, celui où vous demandiez de réduire le vagin. Ah, c'est ta mère qu'on a appelé, mademoiselle Italiana. Écoute. Bah écoute, oui, bon, on va le faire, pas de problème. Alors on va le mettre dans quelques minutes. Le prince Nadia qui dit aussi j'adore l'intonation de la voix de Toff qu'il prend lorsqu'il pose une question. Il y a Dédé qui dit aussi Polo a été arnaqué à Nancy car il a pas vu les nanas avec qui il devait sortir. Oui. C'est vrai. C'est vrai, il faut dire ce qu'il faut, il le faut. Et Stéphanie qui dit non, pas la vidéo de Chucky, ça me fait trop peur. Bah justement, tiens, on en parlait. Je vous l'ai mis sur le Facebook là, je viens de vous la mettre sur facebook.com/mikaelofficiel. Une vidéo d'une caméra cachée brésilienne pour la sortie du DVD de Chucky. Alors allez voir, c'est assez violent mais tellement drôle. D'ailleurs, dites-nous aussi d'ailleurs entre parenthèses, quels sont vos films d'horreur préférés? C'est quoi le tien, Toff? Il y avait Hostel qui est quand même bien crado. Et puis sinon il y avait les Freddy aussi, ça m'a bien fait. Les Freddy, Sandro. Plus belle la vie. Hein? Plus belle la vie. Plus belle la vie, le film d'horreur, hein, je parle. Préféré, ouais. D'accord. Non, je peux pas regarder les films d'horreur. Tu peux pas. Il y avait Carrie aussi qui était. D'accord. Horrible. Ah oui, ouais. Carrie, ouais, effectivement. Et toi, Polo? Poltergeist et Hellraiser. Hellraiser. Ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, dites-nous les autres. Hein, dites-nous quels sont vos films préférés, films d'horreur, bien sûr. Il y a Simon qui dit le public de ouf ce soir et le public de Montpellier est-il chaud? C'est Magda. Bah oui, visiblement il l'est, a priori. Il est bouillant, hein. Il est oui, complètement, complètement. Il est chaud. Et là Angina qui dit oh mon dieu, c'est la cacatof, mon portable n'a presque plus de batterie, faut que je cherche le chargeur, j'ai la flemme, mais bon, il le faut. Bah oui, oui, effectivement, oui, il faut, je le confirme qu'il faut. Bon alors, on a Devon qui est de retour de Marseille. Allô Devon. Allô. Ça va bien, ça va toujours bien Marseille Devon. Ouais. Bon, bah oui. Eh oui. Est-ce que t'étais là jeudi soir quand on a fait l'appel avec un auditeur là pour piéger un pote, un cousin à lui qui était à Marseille? Ouais, j'étais mort de rire. Oh là là là là là là, c'était énorme. Bon après évidemment, c'était sans savoir que Marseille allait perdre 1-0 au Vélodrome le vendredi soir même. Ouais, mais à la dernière minute. Hein. Ah bah à la dernière minute quand même, mais c'est de la défaite quand même. C'est vrai. Ah oui, mais oui. Bon, mais allez l'OM. Bah oui, allez l'OM, ils vont se remettre, je suis sûr. Bon, alors, du coup, Devon, tu voulais nous parler de ton lycée, t'avais une anecdote toi. Ouais, qui a duré 4 jours en fait. 4 jours l'anecdote? Alors c'est quoi, explique. Ouais. Mais en fait, on s'est lancé des choses avec une autre classe. C'était que chacun de nous fasse inscription en plein cours. Un quoi? Un striptease en plein cours. Un striptease en plein cours, original. Ouais. Ouais, et puis? Et quand je dis striptease, c'est vraiment le truc en entier. Hein. Ah, jusque la totale, vraiment. Quoi. Mais genre, il y a un mec qui s'est mis à poil dans une salle de cours. Il n'y a pas qu'un. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Personne comme fille. Hein. Ah, sympa, putain, et vous nous appelez la prochaine fois, les mecs. C'est chouette dans votre bahut. C'est ça. Oui. Moi, j'ai pas forcément des bons souvenirs, donc si vous faites des trucs un peu sympas, moi, je viens. Hein. Bah oui, pas de problème, on vient avec Polo, avec Koff, Sandro fait un strip aussi, on est bien. On va se mettre à poil. Bah évidemment, là, on est à la bien. Bah, d'ailleurs, je propose qu'on le fasse tout de suite. Non. C'est marrant, ça marche pas bien ici. Ouais, c'est bizarre, ouais. Bon, et donc du coup, ça s'est fini comment? Mais mal. Le problème, c'est que moi et mon pote, on s'est fait gauler. Enfin, moi, mon pote et nos deux copains, on s'est fait gauler. À poil, par les profs, hein? Ouais, mais quand il rentre. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Mais pourquoi vous avez fait ce pari? Parce que c'est quand même idiot, si je puis me permettre. Ouais, parce que tu sais qu'à un moment ça va tourner. Mais c'est sûr que c'est idiot, mais c'est un défi qu'on s'est installé sur une autre classe. Et donc ça a duré 4 jours. Donc vous avez commencé le dire lundi et le jeudi vous êtes fait griller quoi. Et pendant 4 jours ils sont pas venus habillés. Mais il fallait faire ça genre quand? Genre entre deux cours ou il fallait faire ça en plein milieu avec le prof qui était là? C'était quoi le délire? Non, on entendait qu'ils partent pour faire des photocopies, comme ils font à chaque fois. Ouais. Et nous, on veut faire ça mode hardcore et sans que personne regarde ce qu'ils peuvent arriver, voilà, on se fait goyer. Ah, dommage. Mais il y en a qui ont réussi quand même. Oui, parce qu'ils voulaient pas faire ça hardcore. Donc, il y a quelqu'un qui a des 4 mecs qui arrivent. Donc, ils ont triché. Ah, bah oui, mais d'accord. Alors, toi, t'es un vrai. Mais oui, c'est ça. Oui. Mais dites-nous, tiens, les autres, si vous avez déjà fait des conneries comme ça, des défis à la con dans le bahut ou même au boulot, hein, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et donc, le prof, il a prévenu tes parents que tu te foutais à poil en cours et tout? Oui, mais ils ont rien dit, mais bon, ils sont battus tes couilles, hein. Bah t'as des parents cool, hein, parce que... Bon, ça, ils t'ont régulé dessus? Quoi, bah Daron, mais tu rigoles ou quoi? C'est-à-dire que moi, j'en aurais entendu parler pendant un mois. Mais Christophe, écoute, c'est mal de faire ça, pourquoi est-ce que tu... Tu montres ton zizi. Ton petit zizi. Et ton tout petit zizi, espèce de salopard. Qui me fout, là, on... Tiens. C'est clair. Nous, on avait fait péter des pétards dans les couloirs du bahut, histoire de foutre le bordel. T'inquiète pas que j'en ai entendu parler pendant un moment. Hein. De ta mère? Ah ouais, ma mère, ouais, je me faisais démonter. Hein. Putain, elle aurait peut-être dû aller un peu plus fort encore. C'est pour ça qu'il est comme ça maintenant. Non, elle aurait dû aller plus fort. Je crois qu'elle a encore été trop laxiste avec lui. C'est vrai, regarde aujourd'hui, c'est peut-être de con là. Au lieu de lui mettre des claques, elle aurait dû lui mettre des points directement. Ouais, peut-être, ouais, je pense. Ouais. Et toi, Polo, t'as déjà fait des paris à la con? Oh, j'ai fait que ça dans ma vie. Ouais. Non, mais je me souviens. Non, non. Parce que je sais que je vais les perdre. Et c'est. Si j'ai dû. Et de toute façon, et quand il y gagne, de toute façon, ils honorent pas. Donc au final, voilà, donc grande classe, quoi, grande classe. Ouais, bon, et dites-nous vous si vous avez déjà fait des paris à la con. Appelez-nous. Donc comme je le disais, 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4 x 0. Bah écoute Devon, reste avec nous. On aura Kevin aussi pour parler encore de quelques arnaques. Il y a Léo aussi qui dit original mais un peu con comme virgule. Mais s'il y a des meufs, c'est intéressant pour le striptease. D'accord. Il y a Dalila aussi sur le Facebook. Trop bien nous repasser cet appel. Merci Toff, continue comme ça. On va pas s'arrêter tout de suite hein. Avec plaisir. A priori en tout cas. Benoît Quilio, putain trop mortel la vidéo de Chucky, je suis plié. Il y a Vega Yaris qui dit la colline à des yeux. Antoine qui dit la cabane dans les bois. Et il y avait quoi aussi au niveau des films d'horreur, il y a Yas qui dit Hostel et Saw. Momo qui dit Justin Bieber, le clip Baby m'a fait peur. Pas mal, pas mal. Donc dites-nous encore hein. Il y a Cédric du 5-9 qui dit moi le film d'horreur c'est Halloween. Samuel qui dit Chucky c'est trop drôle. Donc continuez, balancez vos messages. Allez voir la vidéo drôle là, de Chucky au Brésil. C'était pour la promo du DVD de Chucky. Vous allez voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Et puis je vais vous donner aussi la possibilité de repartir avec votre petit chèque de 500 € pour aller pour les fêtes hein. En plus vous aurez l'argent avant les fêtes, avant Noël, dans moins de 15 jours en l'occurrence. Donc si jamais vous voulez gagner, eh bien n'hésitez pas, rencard maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Il suffit de vous inscrire. Et si vous êtes tiré au sort, il suffit d'aller faire un like, un partage sur la photo où il y a le billet de 500 €. Si vous êtes tiré au sort avant minuit, vous repartirez avec 500 €. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas encore tenté votre inscription, bah allez-y, il est déjà 11h, il y a déjà moins de gens qu'à 8h. Donc profitez-en, facebook.com/mikl officiel. On va se mettre le son maintenant de New World Sound. Je rappelle que c'est une auditrice qui nous avait fait découvrir ce son avec Thomas New Sound. C'est The Flute. C'est donc évidemment un plagiat du pipeau de Polo qui est ici. C'est honteux. Voilà. Le pipeau de Polo qui était là, qui est toujours évidemment magnifique, tellement beau. Et vous allez voir que dans la chanson de The Flute, il y a quand même eu... Enfin, c'est du plagiat, hein. Pur et simple, totalement. On fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, il est 22h41. On est toujours en direct, bien entendu, de Fun Radio à Montpellier, place de la Comédie. Il vous reste 1h20 pour venir nous rejoindre. On est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mikael, No Limit, en direct des studios de Fun Radio Méditerranée. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Nos limites. Jusqu'à minuit. Fun. Mikael débarque à Montpellier. On Fun Radio. Et oui, en direct de Montpellier sur Fun Radio. 22h46, on va dans quelques minutes se refaire un petit coup canular qu'on a eu l'occasion de faire jeudi soir dans l'émission. C'était à propos de Marseille, de Paris. C'est un auditeur qui voulait piéger son cousin en lui faisant croire qu'il, en fait, deux fans évidemment de Marseille, qu'il avait décidé de supporter le Paris Saint-Germain, et le cousin l'a relativement mal pris. Oui, il fallait s'y attendre. Voire mal, très, mais très très mal pris. Donc on va réécouter ça dans quelques minutes et on fait les canulars le jeudi hein. Si jamais vous voulez en faire un, n'hésitez pas. Jeudi prochain, on remet le couvert, il n'y a pas de problème. Vous inscrivez maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Il y a Baptiste qui dit si vous lisez mon message, je viens maintenant dans les studios à poil. Bah voilà Baptiste. Bah on attend. Il y a plus qu'à arriver Baptiste, on va voir si t'es quelqu'un de parole. Lave-toi avant. Il y a Dylan, oui c'est mieux. Dylan également qui dit moi le pari que j'ai fait c'est de danser en faisant le tour de la classe et ensuite faire des pompes avec le pote qui chantait la musique de Rocky Balboa. Résultat exclu du cours. Oui sans déconner. Ça bizarre. Fait quand même beaucoup d'un coup Dylan. Hein. Il y a Nero aussi, Nero G qui dit moi c'était venir bourré en cours, c'était sympa, j'ai cassé une vitre, pissé sur une fenêtre en cours, j'ai jeté une canette de bière sur le prof. Ah bah bravo. Ouais bravo Nero, tu t'attendais à ce qu'il se passe rien en fait là, à mon avis. Il y avait quoi aussi Kevin qui dit vous êtes vraiment des tueurs sur Fun, je suis en direct avec vous, je vous kiffe, bonne soirée, merci Kevin. Et Momo qui dit le hashtag Mikael en top tweet pendant 15h30, fort, très fort, oui ça c'était c'était jeudi je crois si mes souvenirs sont bons. Bah merci en tout cas, il y a Benoît qui dit saut, ça fait peur. Et continuez avec vos messages aussi, continuez à les voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. On va se faire le son maintenant comme promis de New World Sound avec Thomas New Sound. C'est The Flute maintenant sur Fun Radio. Il est 22h48, on est encore avec vous en direct de Montpellier jusqu'à minuit. Mikael débarque à Montpellier. Mikael, c'est Mikael No Limit. Fun jusqu'à minuit sur Fun Radio. No Limit jusqu'à minuit. Fun. Mikael débarque à Montpellier. On Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, 22h51. Eh ouais, on a encore les appels de taf, on va vous diffuser aussi sur Fun Radio. Donc restez là, il y a Elodie, il y a Kevin, il y a Ludivine, il y a Devon également là par rapport aux conneries que vous avez eu l'occasion de faire quand vous étiez oui. Bah, des paris à la con que vous avez accepté de faire en l'occurrence. On va faire ça dans quelques minutes. Toujours les 500 euros à gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et puis souvenez-vous, on mettra les photos dans quelques minutes et puis on va l'inviter aussi à l'antenne. On avait eu un auditeur qui s'appelait Gilles, qui était le sosie de Dr House. Ouais. Voilà, qui est passé nous voir ce soir et qui est donc avec nous. Là, comment ça va Gilles? Attends, on va te donner le micro là. Hop là, hop là, il est là. Oui, bonsoir, bonsoir. Ça comment va, ça va? Ouais, très bien, très et, bien. Et donc Gilles qui, bah c'est normal puisque c'est le sosie, ressemble à Dr House. Ouais. Ah ouais. Même Sandro, c'est-à-dire qu'elle le regarde depuis tout à l'heure comme ça. Allez, allez, en kiff, elle est en kiff là. Non mais, non, mais ne fût-ce que par curiosité quoi, voilà, bah, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est voilà. Ah, il doit pécho de la meuf. Je vais... Ah oui, oui, c'est ce que je voulais savoir. Hein. Parce que je lui ai demandé si ça lui faisait rapporter un peu d'oseille, mais je t'ai pas demandé, t'arrives à pécho grâce à ça? Un beau gosse comme ça. Avant de rencontrer mon élu, qui est là, oui, j'ai rencontré quelques personnes. Ouais. On s'est compris, Dr House. Bon, est-ce qu'on peut mettre l'élu dehors pour qu'on parle sérieusement? Que l'élu s'en aille. Non, mais sérieusement, est-ce qu'il y a des meufs qui ou des mecs qui sont persuadés que t'es le vrai? Ça m'est arrivé. Ah ouais. Il y en a quelques-uns, oui, qui m'ont parlé en anglais. En anglais, carrément. Hello, Dr House. Moi, ça House. M'a fait marrer parce que je les ai laissés parler. Et après, j'ai regardé comme d'un air bizarre. Mais vous pouvez me dire ce que vous dites maintenant, mais en français, parce que moi, l'anglais, ah, rien. Ah, ouais. Ah bon, mais vous êtes un faux alors? Ou alors des gens qui te demandent des consultations. Genre, j'ai un problème. Ça, c'est vous... très régulier. Problème de... Surtout les femmes, problème de cœur, problème de poitrine, ah ouais. Problème de. Parce que Sandro a un problème juste. C'est génial. Un problème de poids. Voilà, et elle voudrait savoir comment perdre, donc elle voulait savoir si le Dr House pouvait filer un petit coup de main, quoi. C'est simple, arrête de bouffer. Oui, quelques aspirations. Ah, bah voilà, très bien. Une bonne mais idée. Mais non, je plaisante. Hein. C'est une bonne idée. Bon, bah, en tout cas, on va parler avec toi dans quelques minutes. Reste avec nous, Gilles. Et puis, okay. bah, vous aussi, hein, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Comme je le disais, Devon, Elodie, Kevin, Ludivine vont débarquer dans quelques minutes. Kevin également. Et puis, souvenez-vous, c'était jeudi, donc, le canular dont on parlait, hein, quand on a fait le battle Paris-Marseille, plutôt Marseille-Paris. Ça, oh, l'OM, L'OM, ça avait donné ça. Attention, âme sensible, s'abstenir, car c'est assez violent. C'était jeudi dernier sur Fun Radio. On refait les canulars tous les jeudis sur Fun Radio également si vous voulez participer au prochain et gagner des cadeaux. 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. On écoute ça maintenant sur Fun, c'est parti. Bonsoir, comment bonsoir. Ça va? Ça va nickel, et vous? Bah écoute, plutôt tranquille, hein, plutôt bien, hein, plutôt à la bien, à la bien, à la bien, à la bien, à la bien. Et ouais, comme je vois que tu as pas le de Marseille. Eh ouais, ma foi, train de bien. Eh bah qu'est-ce que tu veux, ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit canular avec toi, hein, puisque c'est la soirée. Mais on fait quoi exactement? Tu veux qu'on appelle qui? Tu veux qu'on fasse chez qui? C'est mon cousin, là, de Marseille, dans les stacks, dans le 16ème. En fait, ouais. On est des 1h, tu vois. Ouais. En fait, ça fait depuis... ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à ces messages, en fait, tu vois. Et, pourquoi? Bah parce que j'avais envie, c'est tout, parce que j'arrêtais pas de lui mettre des faux plans. Ouais. Ah. En fait, j'aimerais lui faire croire que je suis supporter parisien, en fait. Oh là là. Tu vas lui faire croire que t'es supporter parisien? T'es complètement fou dans ta tête. Ouais. Il est fada. Complètement fada. Oh, dis-moi, tu es complètement fada. Eh, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que je tombais sur un classement là qui vient de sortir, celui des supporters les plus infidèles. Et donc, que ce soit en rugby ou en foot, c'est toujours les mêmes qui vont voir ailleurs. Hein, et les plus infidèles sont les... C'est pas un parisien. Eh oui. Non, les parisiens. Eh oui. C'est normal, c'est des foutus. Le PSG avec 4,28 aventures par an. Ah oui, quand même. C'est normal, mais ça c'est une statistique ça. Bon, du coup on va appeler ton pote maintenant. Tu veux lui faire croire que t'es devenu supporter parisien? Non, c'est pas mon pote, ton cousin. Ouais, ouais. Parce que d'habitude on fait ça avec des potes, c'est pour ça. Bon, donc voilà. Du coup on va l'appeler. Tu veux lui faire croire que t'es devenu supporter parisien depuis combien de temps? Ouais, tu fais quoi? Non, deux ans. Bon, deux ans. Bah, c'est toi qui va dire, hein. Moi, voilà. Après, je serai derrière pour foutre l'herbe. Moi, je serai Michel, supporter de Paris, etc., Marseille en tant que... Voilà. Ah, et surtout, Zlatan Ibrahimovic, tu le kiffes, hein. Ouais, évidemment. Ibrahimovic. Tu veux faire un tatouage d'Ibrahimovic? Ouais, ça peut être ouais, pas ouais, mal, ouais, ça. t'inquiète. Parfait. Dans les couilles, bon, allez, c'est parti, on y va. Au plus, il s'énerve, au plus, évidemment, t'as de chance d'en repartir avec tes cadeaux. Il va monter en pression, lui. Bah oui, ouais, en plus, il y a les casques focales, en plus, qu'au fil, ça vaut 200 euros, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on y va, on appelle, il s'appelle comment, lui? Il s'appelle Anthony, lui. Ok, très bien. Très bien, donc tu dis... Bon, tu dis qu'on est chez moi à la maison et t'inquiète, voilà. T'inquiète, je veux savoir quoi dire. Ben, très bien, parfait. T'inquiète. Bon, t'inquiète. Alors, on y va, on va l'appeler, c'est parti. Et sois bon. Allô?

Aurélien, Aurélien. Aurélien, écoute-moi bien. Quoi écoute-moi quoi bien. Quoi écoute-moi bien. Oui. Ah, c'est toi qui as dit gros bâtard, là. Ouais, c'est moi. Va te faire enculer, gros bâtard. Oh, je suis ton cousin, tu me dis gros bâtard à moi. Mais non, c'est bon, distrait. Je suis ton cousin, tu me dis gros bâtard à moi. Bon, le cousin, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Le cousin. Je suis chez moi, là, tu es parti. Anthony. Anthony. Kisha. Anthony, c'est moi mon cousin. Anthony, c'était une blague. Anthony. Anthony. C'était une blague, t'étais sur Fun Radio. Anthony. Ouais. Sur la radio, cousin. C'était sur la radio, c'est Fun Radio, on t'a fait une vanne. Il est pas pour Paris. Oh là là. Attends, Oh les enculés. Eh oui. Tu l'avais pas reconnu le son. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Mais oui. Oh là là. Kilou. Ouais, bah je l'ai mis, mais il entend pas. Je te sucerai le sang et tout. Mais voilà. Paris. Bon. Bon, dis Anthony. Franchement, franchement, faut que je m'allume une blonde parce que là il est pas bien, là il est pas bien. Ah non, là il est pas bien. Bah t'imagines, un peu t'as le cousin là qui lâche son famille, là, qui retourne sa veste. Oh là là, la honte. Bon, bah très bien. Bon, et Aurélien, on file le cadeau à ton cousin ou pas? Ouais bah ouais, il mérite. Et là à mon avis c'est mon frère, alors ça veut dire. Ah merde, bah écoute, on va s'arranger là. Celui là-bas, c'est bon. Bon, celui là-bas, c'est pareil. Anthony. Ouais. Bon, on va te filer un an d'abonnement au Paris Saint-Germain. Franchement, ça vous pouvez vous le mettre. Hein. C'était un cadeau de bon cœur. Voilà, exactement. Voilà, de bon cœur. Voilà. Non, mais je plaisante. Bon, Anthony, on va te filer un casque. Tu as les casques à 200 euros là, avec tu peux décrocher le téléphone, tout le bordel. Les casques focales. On va te filer ça maintenant, Anthony. Tu restes au standard. Je te repasse Sandro. Franchement, wow, merci. De rien. Allez, Anthony, Anthony. Je vous le dis quand même, allez l'OM. J'allais le dire, allez l'OM. Bah, allez l'OM. Bon, allez, salut les gars. Merci, ciao. Voilà, c'était donc l'appel de jeudi et Dieu sait que il s'est un petit peu énervé notre ami marseillais là. Il y a O'Neill qui dit les fans marseillais sur Fun Radio, c'est juste épique. Il y a Julien qui dit encore cette phrase, va te faire enculer. Oh, il y en a eu beaucoup. Hein. Jason aussi qui dit je kiffe le Gilou en fond. Il y a le prince Nadia qui dit aussi le nordiste, gros bâtard, c'est énorme. Et Dimitri qui dit un marseillais qui dit avec ton accent de PD alors que avec l'accent marseillais, c'est juste épique aussi. Max du 11 et René Grec aussi qui dit là, vous êtes énorme. Et Benjamin qui dit canular de fou, merci pour les fous rires. Écoute avec grand plaisir. Hugo Réo également qui dit Paris-Marseille, c'est une tuerie. Le petit enculé et le fils de pute est mal passé. Ah oui, ça c'est une certitude. Magda qui dit Mickaël, tes collègues ont les encules. Il y a Soum Soum qui dit Paris est magique. Quentin également qui dit supporter parisien. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Allez Rennes. Et alors Maxence qui dit les cousins, une grande histoire de foot, ça c'est sûr également. Et Stéphane qui dit Paris est magique, gros bâtard. Ah bah bien sûr, évidemment. Et Guillaume également qui voulait réagir, mais ça c'est par rapport aux appels et surtout aux conneries que vous avez déjà eu l'occasion de faire en Paris, comme Devon dans son bahut qui avait fait un à Paris, qui avait fait donc un striptease. Il y a Elodie qu'on va prendre dans quelques minutes, il y a Kevin, il y a Ludivine, Kevin pour les arnaques. Et puis on aura aussi, je vous le rappelle, toujours les 500 euros à vous offrir donc sur Fun Radio. 500 euros, ce sera sur le Facebook, hein, facebook.com/MIKAELOfficiel. Et juste avant le canular, on parlait également avec Gilles, qui est donc le sosie de Dr House, qui est passé nous voir parce qu'il habite dans le coin justement. Il y a la photo que j'ai mettre sur le Facebook de l'émission là, donc j'essaie de m'habiller pareil avec la veste et tout ça. Ça passe bien quand même, hein. Écoute, la veste ça va bien. Ouais, ça passe pas mal. Donc allez voir, dites-nous ce que vous en pensez. J'ai mis le Facebook également de Gilles pour ceux qui veulent un petit peu voir. Puisque Gilles, comme le vrai Dr House, chante aussi. Je chante également. Mais tu chantes la même chose que lui ou pas? Non, pas tout à fait. Moi, c'est en français par contre. Oui, non, bah bien sûr. Enfin, je veux dire le style. Oui, à peu près, oui. Le style, c'est plus ou moins pareil. Voilà, tout à fait. C'est un peu jazz, blues. D'accord. Rassure-moi, tu n'as pas fait un vrai confessions intimes comme les fans de les mecs qui sont comme Claude François et tout le bordel. Alors, tu vois, figure-toi justement que Confession Intime m'a contacté. Ça m'étonne pas. Et j'ai totalement refusé. Tu m'étonnes, bah oui. Non, pas cette émission-là. Oula. Mais est-ce que comme les fans de Johnny, tu essayes de tuer les autres fans de Johnny? Ah, les autres Dr House. En même temps, d'autres sosies Dr House, je ne vois pas. Par contre, bon, pour les Johnny, il y en a dans tous les villages, mais il y en a par contre qui sont très très bons. J'en connais personnellement. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, comme ça au moins c'est fait. Bon, reste avec nous. On va se mettre un petit peu de son dans quelques minutes. Alors, je sais pas encore lequel ce sera. Eminem, Cruella, Kesha, Avicii, je sais pas, j'hésite. On verra ça. Dans quelques minutes, vous restez là. On se met une petite pause d'une minute grand max et on revient en direct toujours de Montpellier, bien évidemment. Il est 23h11, c'est Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Mickaël No Limit en direct des studios de Fun Radio Méditerranée jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. No Limit jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Yes, c'est Fun Radio. On est de retour pour l'avant-dernière fois puisque bah je rappelle que dans trois quarts d'heure on sera parti, l'émission sera finie, mais en attendant il reste 500 euros à choper encore sur le Facebook de l'émission. Et ouais, pour les fêtes de fin d'année vous serez payé avant les fêtes. Non mais comme ça vous allez pouvoir soit vous faire plaisir, vous êtes tranquille, hein, si vous êtes un peu égoïste, il n'y a pas de problème. Moi-même d'ailleurs je prendrai pour moi. Moi pareil, je m'achèterai un blouson. Je m'achèterai des cheveux pour faire plaisir à Naya. Ah ben voilà, très bien. Et puis vous pourrez aussi les utiliser pour faire plaisir éventuellement. Ça peut toujours servir quoi qu'il arrive. Bon, 500 euros à gagner sur le Facebook. Venez nous rejoindre facebook.com/mikaelofficiel également. Et puis, on a fait un pari avec... donc il faut savoir qu'il y a un petit débutant pas très bon qu'on a laissé dans les studios qui s'appelle Victor, hein, qui travaille avec notre ami Dario. Et je lui avais dit que si le prochain titre, il l'avait pas calé, il était viré. Donc si là, quand je vais terminer ce que je vais dire, il n'envoie pas le bon titre, il sera viré malheureusement et j'en suis vraiment désolé. Mais c'est pas grave, 23h13 sur Fun Radio, comme ça vous comprendrez s'il y a un petit blanc. On va s'écouter le son des connes. Ah, il a... C'est cadeau, il est là. Je croyais qu'il pouvait pas parler. Il a traîné, en plus il a parlé alors qu'il pouvait pas, donc t'es viré. Mais non. Casse-toi, tu peux prendre ta soirée là. Bon bah bonne soirée. Allez, au revoir Victor. It's been so long. Nos limites. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. On est jusqu'à minuit sur Fun. Il y a Salvatore qui disait passer un petit Monster de Rihanna et Eminem. Bah écoute, avec plaisir Salvatore, on te le mettra dans quelques minutes. Il y a Dalia aussi sur le Twitter qui dit trop bon le Econ, je kiffe. Bah oui, ça change comme ça un peu, c'est plutôt cool. Donc allez voir aussi la photo avec Gilles alias Dr House qui est avec nous, qui est local auditeur qu'on avait eu il y a un mois, je sais plus. À peu près un mois, il me semblait bien. 13-14 novembre par là. Voilà, c'est ça. Donc on lui avait dit, le jour où on est à Montpellier, passe nous voir. Il a tenu parole et c'est cool. Donc allez voir la photo, hein, n'hésitez pas, facebook.com/mikaelofficiel. Les 500 euros, on les offrira avant minuit. Donc restez bien là. Et puis là, on va récupérer Devon qui nous appelait parce qu'il avait une anecdote marrante au lycée. Donc il a fait avec ses potes des striptease intégrale que t'as fait. Ah ouais, il y a aussi une épreuve d'enculade, mais ça c'est différent. De quoi tu dis ? Il y a aussi une épreuve d'enculade. Une épreuve d'enculade ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ce dos ? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Mais à un moment, il y a un mec qui a enculé sa copine, en plein cours aussi. Oh, tu te fous de ma gueule, Non, là, tu te fous de ma gueule. Mais j'ai jamais réussi à mettre un doigt et toi tu veux me faire croire que t'as réussi à l'enculer en cours. Ça y est, t'as lâché Toff. Ah ça y est, Toff il a démarré, on l'avait pas entendu depuis le début de l'émission, là il a entendu enculer du coup. Hop là, ça y est. Grave, attends. Enculade, voilà c'est ça. Attends, moi dès qu'il y a un peu de lubrifiant du latex, celui-là. Oui bah ça on a bien entendu. Ça on a bien compris. Non mais t'essayes de me dire que. Jetez-lui des gâteaux. Non mais. T'essayes de me dire que pendant le cours, il y a quelqu'un qui a été enculé un autre. Non, une fille. Non, sa copine. Enfin, peu importe. Ouais, mais enfin, une autre personne. Peu importe. Sa copine qui est juste à côté de lui. Mais tu crois, mais ça se fait pas comme ça. Mais t'arrives avec des graviers. Non mais à la limite, qu'il y ait une pénétration, je veux bien l'imaginer. Mais une enculade. Mais directement arriver dans la sodomie, je trouve ça un petit peu fort. Bah oui, ça pourrait être fort. Il a fait. Mais non. De quoi? Il a fait. Attends, c'est malade, mon pote. Hein. Ouais mais bon. Je doute quand même. Peut-être pas forcément de toi, mais que lui t'es enfumé, ça c'est possible aussi. On va enquêter. Voilà, on va envoyer Polo, il va enquêter, il va se transformer en Colombo. Il va aller renifler tout ça. Voilà, exactement. Bon, en attendant, il y a également Kevin avec nous là. Bonsoir Kevin. Salut. Comment ça va de Bordeaux? Ouais, ça va pas mal. Bon, tant mieux. T'as 23 ans toi Kevin. Et tu voulais aussi nous raconter un des paris stupides que t'as eu l'occasion de faire et gagner ou perdu, je sais pas. Oh, ça c'est pas vraiment à Paris, mais c'était plus un jeu qu'on avait en fait dans la classe. Un jeu qui s'appelait la salade de fruits, donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui doivent connaître. Bah explique toujours hein, pour ceux qui connaissent pas. Alors en fait, il y avait toute la classe, on choisissait tous un nom de fruits en fait. Pommes, fraises, framboises, n'importe quoi. Il y avait un mec qu'on désignait. Et en fait, ce mec-là, il devait balancer des noms de fruits tout fort dans la classe. Et si par exemple, il balançait ton nom de fruits à toi, tu devais te lever, taper trois fois dans tes mains, faire un tour sur toi-même, gueuler ton nom de fruits et te rasseoir. C'est énorme. Mais c'est n'importe quoi ça. C'est ouf. Oh, mais je trouve ça énorme. Bah oui, c'est rigolo. Oui, bah c'est toujours mieux que l'autre qui va enculer l'autre, enfin tu vois. Ouais, c'est moi. Enfin, c'est toujours plus classe en tout cas, on va dire. C'est ça, c'est toujours plus classe. Et donc, du coup, le pari. Ah bah ça a été gagné, on voit tous les cours quasiment, tous les profs qu'on aimait pas trop, c'est passé comme ça. C'est drôle ça. Ouais c'est pas mal. Attends, il y a aussi Ludivine avec nous là, Devry. Salut Ludivine. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bon, Ludivine, attends, il y a Guillaume qui a envoyé un message qui dit bonsoir, moi dans ma classe de CM2, il y a eu un pari de faire sucer une capote à une meuf, résultat exclu 3 jours. Oui, bah oui, Guillaume. Il y a Mathieu aussi qui dit j'ai fait un pari au collège où je devais sauter debout sur toutes les tables de la classe, résultat 1 mois d'exclusion, c'est pas mal. Franz aussi qui dit Mickaël, t'es le meilleur, continue comme ça, je t'écoute tous les soirs, merci beaucoup, c'est très gentil. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Bah déjà on va prendre toi Ludivine, alors je t'écoute. Bah en fait disons qu'on était donc en classe et on a décidé avant le cours en fait de faire une sorte de bizutage au nouveau prof d'éducation civique qui venait d'arriver. Ouais. Donc comme ce prof, sachant qu'il s'énerve très très vite et qu'il est légèrement, qu'il est efféminé. Ouais. Et il est gay ou il est efféminé, c'est pas pareil. Hein? Est-ce qu'il est gay ou il est juste efféminé? Oui, il est gay. D'accord, enfin, ouais. Bah donc il est pas efféminé, il est gay. Ça, bon, okay, ça se voit quoi, ça se fait Bref. Bon bref, oui c'est ça, allons-y. Continuons. Et en fait, genre on a tous mis l'application des ultrasons. Ouais. Donc le prof a pété un câble, mais en fait il pouvait pas savoir, enfin il savait même pas que ça existait. Donc il était là, il se touchait un peu les oreilles, genre il comprenait pas trop. Ouais. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, si, on avait fait, en fait, on ferme la bouche, mais on fait vibrer les cordes vocales. On ferme la bouche. Je comprends pas ton délire, en fait. J'ai du mal à comprendre ce que vous avez fait, en fait. En gros, bah, on martyrise le prof, mais à 30. Ah d'accord, avec le truc des ultrasons, c'est ça? Voilà, on a tous mis l'application des ultrasons. Quelle bande d'enculés. On l'a activé, et puis... D'accord, ok. Et après, donc, tout le monde s'est mis, en fait, à faire... Enfin... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment. Non mais vas-y continue. Genre, okay. Comme ça. Et vous avez tous pris une colle, rassurez-moi. Non même pas. Ah même pas. C'est du Vous avez de la chance. Y a aussi franchement le ouais, truc parce que entre tous les messages qui sont arrivés en disant ouais moi j'ai pris 3 heures, j'ai pris un mois d'exclusion, j'ai pris 3 jours d'exclusion, ça va, toi tu t'en sors plutôt pas mal. Bah en fait le truc c'est que comme on était 30 à faire ça, il savait pas qui punir, donc il a rien fait. Il aurait puni tout le monde, attends, t'es sérieux? Ah ouais. Bon attends, il y a Elodie aussi, t'en bouge pas Ludivine. Il y a Elodie ici, alors. Salut. Elodie, ça va? Salut. Bon, bienvenue Elodie. Alors, toi tu aussi fais des conneries? Oui. Bah alors explique. Alors nous avec 2-3 filles de la classe, on s'était dit comme on avait un paquet de cigarettes qu'on avait récupéré dans un couloir que des élèves avaient oublié et qu'on fumait, on s'est dit on va tester de vouloir fumer en cours. Ouais. Donc on sort la cigarette devant la prof, on se met toutes les trois à fumer et puis là, gros délire, la prof sort une cigarette et fume avec nous. Quoi? C'est énorme. Ça va, elle s'est mise bien là. Donc résultat, pas de mots dans le carnet, rien. Et puis les filles qui fumaient pas, la bouche grande ouverte, qui comprenaient très ce qui se passait, qui croyaient qu'on allait se faire super engueuler, qu'on allait être exclu de cours et tout, mais que dalle. Oh, moi j'aurais scandalisé, j'aurais directement été voir le principal. Ah mais c'est énorme. Non mais attends, mais moi je scandalise. La prof qui sort sa clope avec vous. Et c'est là vous, que t'as le principal qui passe par hasard. Ah, elle était mal hein. Alors là elle prend cher hein. Très très cher hein. Ah. Tous les autres aussi prennent, d'ailleurs tout le monde prend cher pour le coup hein. Ah, mais ça va, toi c'est pas encore vraiment à Paris. Enfin oui, c'est pas un Paris. Bah si, au début c'était un Paris. C'était la première qui se revirait en fait. À la première. Mais qu'est-ce que vous avez comme Paris débile quand même? On s'éclate comme ça. Est-ce que Polo, Toff, pour éventuellement faire un Paris, le premier qui se fait virer de fun? pour voir. Ah, moi perso j'ai pas envie de jouer. Qu'est-ce qui est en jeu? Moi j'ai déjà le JAP qui va m'aider un peu. Donc, Ouais c'est vrai, le juge d'application des peines qu'on a eu au début de l'émission, c'est vrai effectivement. Ouais. Bon bah je pense que Toff a gagné. Hein. Voilà. Bravo Toff. Voilà. Merci. Tout seul, sans rien faire, c'est beau. Et pas que cela. C'est et oui, exactement, c'est et post-offlan. Bon ben bah, merci Elodie d'être passée en tout cas. Tu reviens quand tu veux, je te fais des bisous. Bisous. Salut Elodie, Kevin et Ludivine, encore un truc à ajouter? Ouais, si on peut vous gratter un petit cadeau, ce serait sympa. Eh ben écoute, tu vas gérer ça avec Dexter au stagiaire, j'allais dire. Dexter le stagiaire au standard, y'a pas de problème. Salut Kevin. Oh. Salut, merci longtemps. À bientôt, ciao à toi, merci beaucoup. Il y a Tristan également qui est avec nous là. Bonsoir Tristan. Ouais, salut. Ça va? Salut Tristan. Ouais, ça va et vous? Bah oui, ça va tranquille. Bon Tristan, toi aussi t'as une petite anecdote. Donc tu restes avec nous. Devon, tu restes avec nous également. On aura Kevin encore par rapport aux arnaques. On aura encore un appel de Toff. Et puis on va récupérer également Gilles qui est avec nous. Donc Gilles qui est un auditeur qui nous avait appelé il y a un bon mois pour nous dire qu'en fait c'était le sosie de Dr House. Et pour le coup, c'est vrai que ça ressemble. Ah bah ouais, clairement. Ouais, ouais. Ah, y a rien à dire. Ouais. Il y a peut-être des photos où ça ressemble un peu plus ou un peu moins que d'autres, mais dans l'absolu, effectivement, ça ressemble. On t'a invité à. Enfin. Ils t'ont invité à Confessions Intimes. Oui, tout ah, à c'est fait. Dommage que t'aies pas été parce qu'on aime bien, Itof, on adore. Ouais, ah, c'est, j'adore moi aussi. C'est un grand moment quand même. Ah bah oui, nous on est contents là, lundi, mardi, hop, on diffuse quelques extraits. C'est toujours très drôle, mais bon, je suis pas sûr que ça aurait été. C'est vrai que c'est marrant de voir les couples se déchirer, mais bon, de là exposer la vie comme ça c'est, à télé, c'est. Pas c'est pas se déchirer, c'est de voir la mongolitude que certains peuvent avoir. Mais tu sais que cette émission-là est quand même pas mal truquée parce que. Ah oui, mais ça me dérange pas, moi. Amplifié quand même, hein. Oui, mais moi je m'en fous. Ils ont amplifié au maximum. Mais c'est comme les gens qui râlent, qui gueulent parce qu'effectivement, c'est pas la vraie vie, t'en as rien à foutre quand tu vas voir un film, c'est pas la vraie vie non plus, pourtant tu l'aimes bien. Exactement. Bon, bah c'est pareil, alors tant que tu rigoles et que ça te fait marrer, moi j'ai pas de problème avec ça. Et donc du coup, comment ça s'est passé, Dr House? T'as fait des modifs pour ressembler ou non, genre laisser pousser la barbe, couper les cheveux, des conneries comme ça? Alors couper les cheveux, oui, mais c'était pour une autre occasion parce que réellement j'étais quand même en fauteuil roulant à l'époque. Hein, ouais. Pendant 3 mois j'étais au fauteuil roulant, 6 mois de rééducation et les cheveux longs, bon je voulais changer de tête, j'ai coupé les cheveux et j'ai marché avec une canne, logique. D'accord. Je sortais du fauteuil roulant. Ah oui, donc la canne c'est pas du chiquet. C'est une vraie canne, je croyais que tu l'avais pour la déco. Là, en ce moment, ça va nettement mieux. Donc voilà, je l'emmène occasionnellement. Ouais. Mais pendant longtemps, je marchais avec la canne. Et je comprenais pas pourquoi on m'appelait Dr House. Et moi, j'en avais ras-le-bol, je connaissais même pas cette émission-là. Ah, tu connaissais pas la série? Non. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mais ils sont barjots, les mecs. Il faut avoir une canne pour s'appeler Dr House. Bah oui. Et je m'étais pas du tout rendu compte de cette ressemblance. Mais il te manque à côté, si je peux me permettre. Lequel? L'aigreur. Là, l'aigreur. Ah bah oui, le côté agressif, et méchant. Tu vois, ouais, là, je t'aurais posé une question, tu m'aurais dit, Carso, c'est enculé. Ouais, mais en même temps, ouais, non, ça passerait pas quand même. Ah bah, je sais pas, faut bon, voir. Bon, maintenant, ah, si tu me pètes un peu trop les couilles, c'est sûr que. Attends, essaye. De quoi? Bah, de l'emmerder, là, pour voir si. Non, trop tard, il est mort. Très bien, tu vois, c'est pas mal. Tu vas encore finir frapper avec la canne. Mais voilà, ouais, c'est ça. Et on peut rappeler également ton Facebook pour ceux qui veulent aller voir et hein, découvrir, puisque comme il chante aussi, en tant qu'à faire. Hein. Alors, Gilles House. Comme Gilles, le prénom Gilles. Voilà, Gilles comme Gilles, et puis House comme Dr. House. Comme House, bah, voilà, comme la tout maison, à fait. Voilà, tout simplement. Hein, Gilles House sur le Facebook. Et il y a puis, quelques chansons dessus. Voilà, bah, comme là, on peut pas mettre d'extrait, on le fera, on te rappellera cette semaine. Quand avec on grand sera, plaisir. Quand on sera à la radio, et puis sans problème. Donc, allez voir encore hein, facebook.com/mikl officiel. Bon ben je l'avais promis, le son des Minets Mériennes, on va se le mettre maintenant, c'est de Monster sur Fun Radio. On fera encore d'autres appels avec Toff là juste après comme tous les soirs et on est toujours en direct évidemment, il est 23h30 en direct de Fun Radio, en direct de Montpellier sur la place de la Comédie jusqu'à minuit, ouais, sur Fun Radio. Nos limites jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Ouais. Il reste 30 minutes et on fera un top puitos aussi, on verra lequel va gagner tout à l'heure. Je rappelle qu'il faut être le 3e, j'ai oublié même. Ouais, oui, troisième, c'est ça. Ouais. Pour gagner le top tweetos, donc c'est dans moins de 30 minutes qu'on arrêtera ça. Le principe est simple. Il faut envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pour repartir avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Merci à cette magnifique voix off de merde d'avoir fait la promotion comme d'habitude. Elle t'en prie. Bon, numéro 5 actuellement, si on devait tout arrêter maintenant, que se passerait-il? Alors que numéro 5, ça serait Magda. Magda numéro 4. Notre ami Quinquin. Numéro 3, celui qui gagnerait a priori. Ce serait Cédric. Cédric, très bien. Numéro 2. Le Prince Nadia. Numéro 1. Dédé le routier. Dédé le routier, très bien. Bon, je rappelle qu'il faut être le numéro 3 pour gagner. Donc si vous êtes deuxième ou premier, il faut un petit peu ralentir le business là. Et puis si vous êtes avant, faut aller un petit peu plus vite. Voilà, tout simplement, hashtag et Mickaël, on donne le résultat dans 25 minutes. Ce sera à minuit tout pile sur Fun Radio. Donc restez bien à l'écoute évidemment. Et puis je viens de mettre la vidéo également, la première vidéo, parce qu'il y en aura une deuxième. Première vidéo de notre match au Soccer 5 à Castelnau-le-Lez qu'on a fait hier face à des auditeurs de Fun Radio. Donc allez voir. Vous allez voir que ça rigole pas. Il y a du niveau, du high level. Il y a du high level. Alors il y a aussi eu, et vous allez voir, une belle faute non sifflée. Ouais. Un scandale. Un scandale. Un scandale. Je courais vers le but. Ouais. Et là, l'accroche-pied, je suis désolé, mais c'était scandaleux. Ça méritait un rouge. Volé. Ça méritait un rouge. Et tout partait de là. J'aurais ouvert le score. Le match aurait été totalement différent. On n'aurait certainement pas perdu 10-0. Ouais. On aurait peut-être perdu 10-1. Ouais, ou 2, quoi. Peut-être. Mais je suis sûr que tout le match aurait été changé, tout aurait changé, voilà, donc je trouve ça scandaleux. Et boue l'arbitre. Voilà. Boue l'arbitre, boue. Voilà. Je sais pas qui était l'arbitre, mais en tout cas c'était un enculé. Bon, donc si vous voulez voir la vidéo, elle est dispo sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/MIKL officiel. C'est aussi simple que ça. Récupération de Devon dans quelques instants, de Ludivine, de Tristan, de Kevin également. Et puis on va se faire l'appel maintenant, hein, le dernier, avant d'en faire des tout nouveaux toute la semaine prochaine. On y va, c'est l'appel maintenant où Toff avait décidé d'appeler pour poser la question de savoir si est-ce que les femmes seraient d'accord de rétrécir leur vagin dans le but de donner le plus de plaisir aux hommes. Oui. C'était ça, hein. Bah, c'est un nouveau truc au laser. Et bon, on appelle le premier. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme serait prête à se faire rétrécir le vagin pour vous donner plus de plaisir. Pardon ? Non, je voulais savoir si votre femme serait prête à se faire rétrécir le vagin pour vous donner plus de plaisir. Et ta mère, une grosse pute, non ? Je vois pas le rapport, monsieur. Mais qui m'appelle comme ça, toi ? Moi, je m'appelle Toff. Alors ? On se connaît ? Non, on se connaît pas. Je veux juste savoir si votre femme, elle serait prête à se faire rétrécir le vagin pour que vous ayez plus de plaisir, c'est tout. Mais va demander à ta mère si elle sait le faire, gros pédé. Et ça a aucun rapport. Bon, ah, j'adore. Voilà, que donc, d'amour, que d'amour. Classe. Et donc, on l'avait rappelé, bien sûr, parce qu'on n'en avait pas eu, on n'avait pas eu assez cher, hein. Voilà, retour, et vous allez voir la finale. Allô ? Oui, excusez-moi, on a été coupé, vous n'avez pas répondu à la question. Mais je vois pas le rapport, monsieur, je vous demande juste si votre femme elle est prête à se faire rétrécir le vagin, c'est tout. Ah, mais par contre, n'appelle pas un numéro privé, comme ça je peux te rappeler après aussi. Ah oui, d'accord, mais si vous voulez, je vous donne mon numéro, vous me rappelez, hein. Allez, y a pas de soucis. Alors, donc 01... 01. Attends, mais 01, c'est une troisième de merde, ça. Ah ouais, mais t'es un petit parisien, en fait. Oui, je suis de Paris, oui. Tu sais ce qu'on fait aux Parisiens, ça. Dans les Antilles. Dans les Antilles, les Parisiens. Ah, d'accord. Aux Parisiens, oh. T'as pas honte? Bah non, pourquoi? Ouais, aux Gaulois de merde. Pourquoi vous me dites ça? Parce que t'es un Gaulois de merde, un seul Parisien de merde. Mais pas du tout, je vois pas pourquoi vous dites ça. T'habites bien à Paris? Oui. Donc t'es un Parisien de merde. Bah non. Il rigole derrière. Merci. Bah non. Quand faut parler, on leur nique leur mère, pute. Tout est grand mort. Ah oui, elle c'est... Elle peut faire bisous par livret mobile, cette petite de chienne. C'est violent, c'est violent quand même. T'as un gros nez dans le cul, c'est de sale bite, hein, côté. Ah ouais, mais c'est quand même violent, ouais. Ça. Ah ouais, mais oui, c'est violent, ouais. C'est à qui tu parles, là? Non. Un Marseille, espèce de fils de pute. D'accord, mais je parle... Oh, je te prends, je t'encule, toi, ta mère, ton père, et tout ce que tu veux. Même ta grand-mère, si tu veux, je la déterre, je la rends terre. C'est quand même très très violent tout ça, monsieur. Eh oui, mais c'est ça qui est bon. Bah, je sais pas, c'est quand même un peu crado quand même, ma pauvre grand-mère. Écoute-moi, on va te faire l'amour, espèce de petite chienne à côté. D'accord, c'est très gentil. Bah écoutez... En plus, appelle mon frère pour lui dire ça. Tu veux, je te nique tes grand-mères, en fait, c'est ça? Bah pas du tout, mais pourquoi vous dites ça? Ouais, mais ouais, vas-y, descends Marseille, je te roule dessus, je t'écrase, espèce de sale chienne. Ah oui, quand même. Ouais, je te l'ai dit. Ah oui, c'est quand même pas fou, quoi. C'est pas très gentil. T'as fait un arbre, je te violer, espèce de sale pute, à côté. C'est trop mon père, je t'encule, moi. C'est pas très gentil, tout ça, quand même, monsieur. Dictionnaire, à part, c'est pas très gentil, t'as quoi? Bah, moi, j'ai rien, mais c'est vous qui êtes un petit peu violent, donc forcément... Bah, je sais pas, tu me connais pas, je te connais pas, tu m'appelles tranquille, comme ça, et ça y est, je crois que c'est la fête. Bah, ah oui. On peut pas... c'est la fête des cons aujourd'hui, non, peut-être. Mais pas du tout. Moi, je vous demande juste, je vous pose une question, vous y répondez, puis on n'en parle plus. Ah, mais ça fait 3 heures quoi, t'as répondu, tu continues à nous brancher comme ça, t'as pas d'amis ou quoi? Bah non. Non, t'as pas d'amis? Non, j'ai pas d'amis, c'est pour ça que j'appelle, moi. Comme ça, je rencontre des gens. Oh, tu dois bien te faire chier dans ta capitale de merde, quand même, hein. Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle. Il me rend fou, il me rend fou, le gars. Bon. On va... C'est quoi, c'est pas tout, mais j'ai quand même une vie, donc je vais raccrocher, hein. D'accord, et bah une bonne soirée, alors. Ouais, c'est ça. Eh ben voilà, c'était oh, c'était bon. C'était l'appel cet enchaînement dans d'amour, d'insultes, oui. C'est quand même assez exceptionnel. J'ai hâte de faire l'émission en direct de Marseille. Oh putain, il se pèse d'enculé, il va prendre cher lui. Oh là, il va pas venir. On va aller sur le vieux pont, on va le pendre. On va prendre la garde armée sur la place. Faut qu'on garde un peu encore. Oh, ça va être d'une violence, ça, pense que ça va être très très mais alors très lourd. Il y a Soum Soum qui dit et le mec à droite, c'est le sosie de Mickaël. C'est drôle ça. Il y a Cédric qui dit moi je suis encore plié de rire. Il y a le prince qui dit j'avoue que Gilles ressemble au Dr House. Il lui manque effectivement un peu l'aigreur, sinon il est trop poli, Gilles. Ah tu vois, j'avais dit hein, trop poli hein. Eh oui. Ah, ouais. Bon. Attends, on t'entend mal. Hop là, on va allumer. Hop là, c'est bon. Tu disais? Non, je disais eh oui, eh bon. Eh bah oui, bah non, voilà, exactement. Je peux être assez aigre aussi quand je veux quand même. Dis bah j'imagine aussi. Bon bah ça va alors. Mais alors que lui il est tout le temps effectivement. Bon, on va revenir. Il y a la photo donc avec Gilles, un auditeur qui est le sosie de Dr House. Donc allez voir, ça c'est impressionnant. facebook.com/mikaelofficiel. Les 500 euros sont à gagner dans moins de 20 minutes. Dernière ligne droite de l'émission en direct de Montpellier si vous voulez tenter de gagner votre billet de 500 euros pour les fêtes par exemple, parce qu'on vous l'aurez avant les fêtes en plus hein. Ah, on fait les choses bien tant qu'à faire. Vous venez nous rejoindre maintenant facebook.com/mikaelofficiel sur le Facebook. Vous faites un like et un partage sur la photo où il y a le billet de 500 euros. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien je vous appelle en direct dans moins de 20 minutes sur Fun Radio. Restez bien là et je vous cale aussi le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre dans un instant? Crewella ou Kesha et Pitbull? Là, répondez pas tous en même temps. Répondez là, oh là, là. Bon, lequel? Crewella. Bon, qui veut Crewella? On va voir dans le studio. Crewella. Ok, Pitbull. Parfait, bon on va mettre Crewella alors, très bien, Crewella dans quelques minutes. Enjoy the ride sur Fun Radio, ça arrive juste après, il y en a qui n'ont pas voté là. Bon, allez, bougez pas, on revient juste après ça. Mickaël, no limit. En direct des studios de Fun Radio Méditerranée, jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. No limit. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. Oh on est en direct sur Fun Radio, dernière ligne droite effectivement, là en direct de Montpellier ce soir, on est sur la place de la comédie dans les studios de Fun Radio Montpellier, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez débarquer. Bon, il reste plus beaucoup de temps mais bon c'est pas grave, faut venir se dépêcher, quand même là. Ouais, faut se manier un petit peu quand même hein, donc si vous voulez venir nous rejoindre n'hésitez pas. Les 500 euros sont à gagner dans quelques minutes, on va faire le tirage, on va appeler le gagnant ou la gagnante en direct. Tiré au sort sur le Facebook, bien entendu, ne bougez pas de là, on va récupérer Ludivine, Tristan, on aura Kevin également pour les arnaques et puis on va s'écouter le son de Crewella maintenant, c'est Enjoy the Ride sur Fun Radio. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à minuit. We were born ready, ready to be free. No Limit jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque à Montpellier. On Fun Radio. La dernière ligne droite, donc toujours en direct de Fun Radio à Montpellier. Et il faut savoir aussi que c'est Polo le chauffeur de salle. Ouais ouais. Oh, je suis bon, je merci mon public. Voilà. Oh là là, ça y est. Ah maintenant il va se branler. Il a ses fans, il a ses fans. Là maintenant il va se branler. Ouais, il a ses fans, il a dû. Non mais c'est surtout qu'il a dû les mal leur parler, etc. etc. Bah, il les a menacés. Les terroriser exactement. Il faut savoir qu'il les a payés chacun à leur tour. Hein. Bah oui, c'est normal. Tout à fait. Il y a Basile qui a envoyé un message sur le Twitter à l'instant. Tiens, j'écoute depuis pas longtemps, mais j'adore toi et l'équipe. Bah merci beaucoup Basile, merci pour le message. Il y en a plein aussi qui sont arrivés là, des messages. Je vais les retrouver là. Hop là, il y a Davers 45 qui dit la prochaine fois venez faire un foot sur Montargis, je serai là. et si vous venez, on vous mettra une petite pilule mort de rire. Ouais, ouais. C'est ça, on a l'habitude maintenant. Non mais c'est vrai, il faut nous droguer sinon on est trop bon. Ça doit être ça. Non mais c'est vrai, il faut qu'on soit un peu à côté. Bah oui, bah voilà, oui, bah oui. Voilà, c'est ça. Il y a Martin qui dit je vous kiffe. Bah merci Martin. Et Paul qui dit ma classe et moi on faisait le jeu de l'autruche, je gueulais autruche et tout le monde planquait sa tête en dessous du bureau. C'était un nouveau c'est prof. C'est bon ça. Ah, c'est énorme. Ah c'est pas mal, c'est drôle ça. Non, il est pas mal, il est pas mal. J'aime bien le coup de Paul. Et bah il y a toujours Ludivine et il y a surtout Devon hein, qui nous avait appelé à la base pour nous dire ce qu'il avait fait comme connerie dans son bahut dans son lycée. Lui c'était striptease. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. Très bien. J'ai pris 2 mois de renvoi. Ah, t'as pris 2 mois de renvoi ? C'est bien fait pour toi. Ouais. Non ! Oh là là, c'est quand même violent. Bon, après, tu me diras... Ouais, tu me diras, c'était quand même un striptease et en plus t'étais pas le seul quoi, il s'avait quand même tout le bahut quoi. Tout le bahut, toute la classe. Ouais, ouais. C'est pas mal. Bon, Devon, attends, il y a Tristan également qui est avec nous là de Morlaix dans le Finistère. Salut Tristan. Ouais, salut. Hey, salut, comment ça salut, va ? Salut Morlaix. Ça va, ça va. Bon, très bien. Et eh ben, bienvenue à toi. Donc toi, comment ça se passe? C'est quoi la connerie que t'as fait? Et comme, c'est quoi le pari idiot que tu as pu faire? Eh bien, comme je suis en classe de sanitaire et social, donc on a beaucoup d'interventions de professionnels qui viennent nous expliquer un peu ce qu'on va pouvoir faire après le bac. Et du coup, bah, c'est vrai que des fois, c'est assez chiant d'écouter. Ouais. Et du coup, bah, on s'est amusé un soir. Bah, il était assez perché, le gars, il captait un. Et du coup, on s'est amusé à lui sortir des mots qui avaient complètement rien à voir avec le sujet. Donc, on essayait de caler, de se donner des mots et de caler des mots comme frigo ou enfin pingouin. Enfin, vraiment rien à voir au sujet. Et le gars nous répondait, mais clairement, quoi. Et sans vraiment comprendre ce qu'on disait. Et mais du coup, il a grillé à un moment. Eh ben non, au final, non, il rigole. Enfin, il voyait bien que tout le monde riait et il comprenait pas. Donc, il était heureux de répondre à nos questions. Ce qui serait drôle, c'est que vous enregistrez le cours et vous essayez de placer des mots. Et donc on vous donne les mots le soir et puis le lendemain vous essayez de les placer. Et celui qui arrivera le plus le placer avec le cours pourrait gagner un truc, c'est genre pitoyable n'est pas digne de pitié. Qu'est-ce qui est aussi enculé, gros ça bâtard. C'est un peu. Ouais, non, bon, non. Là, c'est à la limite non. Alors, hein, parce que après ça va commencer à devenir compliqué. Ça pourrait être rigolo ça comme jeu. Pour faire un petit one shot. On avait commencé avec Hugo, le petit là qui a disparu d'ailleurs. Bah, je crois ses parents l'ont tué. Ah, ouais. Il a dû se faire virer de son bahut. Ah, peut-être aussi. Il est en pension là maintenant. Peut-être qu'il est en pension. Ouais. Ils l'ont envoyé en Asie pour faire des likes. Voilà, à mon avis, il a dû partir là-bas. Peut-être aussi. Ouais. En fait, c'était un auditeur qui parlait très très bien anglais puisqu'il avait des heures de cours d'anglais, sauf qu'il ne savait même pas dire bonjour en anglais. Et donc on lui avait demandé de demander à sa prof comment. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était quoi la phrase? Okay, ouais. Blowjob, ouais. Ouais, blowjob. Can I have a blowjob? Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est en gros, t'as moi une pipe. Et donc, on lui avait demandé de demander ça à son prof, et depuis, plus de nouvelles. Ouais. C'est bizarre. Je suis très inquiet. Hein, on va peut-être appeler la police pour voir ce qui s'est passé, parce que je suis vraiment, vraiment inquiet. Bah merci Tristan, en tout cas, d'être passé. Hein. Bah de rien, ça fait plaisir. Et tu, bah écoute, tant mieux, nous aussi. Il y a Basile qui dit, venez à Perpignan, c'est mieux qu'à Montpellier. Ah bon? Bah on ira voir. Réagis, Montpellier. Ah ouais. D'accord, ok. Et Brian aussi qui dit mieux vaut ne pas faire un match de soccer quand vous serez à Marseille, ça risque d'être très chaud. Oh, arrête un peu là. On est parisiens nous. Mais ouais. Et Polo il va venir avec le maillot du PSG. Avec le truc Ibra. Bien sûr, je vais avec le maillot du PSG avec Ibra derrière. Oh là là. Mais il va rester dans ma valise. Ouais. Ça va pas, je le mets, j'en ai rien à foutre. Moi, je crains des gains. C'est clair. Et Dalia qui dit non mais trop fort, Mickaël, tu donnes des jeux à faire en classe, tu veux qu'ils se fassent tous virer. Bah non, faut pas faire. Il faut le faire. Si, c'est notre manière. Ouais. C'est ça, faisons fermer l'école. Mais tant mieux, et tant mieux. Oui Tristan. Ouais, bah n'hésitez pas à venir en Bretagne évidemment. Ouais mais on va attendre l'été hein. Le Chouchen. Hein, mais en même temps en Bretagne c'est toujours l'hiver. Chaud en hiver. Là, il fait chaud en hiver. Ouais, c'est quoi Est-ce que la Bretagne est dans l'hémisphère sud? Non parce que comme ça je sais si jamais. Parce qu'à ce moment-là ça change tout, tu vois. Non. Bah ça dépend de où on regarde. Parce que là en fait le 21 décembre vous arrivez en été vous. C'est ça, on est un peu en décalé. D'accord, ok, ouais, hémisphère sud, d'accord, ok. Bah alors on va venir en Bretagne, hein. Mm-hmm. Si c'est l'été, ah bah ouais. Attends, et t'as qu'à faire, il on fait est chaud tranquille. Chez toi on va manger des crêpes. Quoi. Bon, le décalage horaire est de combien? Bah oui, des crêpes, ouais. Hein, le décalage horaire est de combien? Je dirais au moins une saison. Ah, carrément. Ah oui, c'est... Ah ouais, carrément, très bien. Parce que nous, en été, c'est jamais beau, et puis quand on reprend les camps... Et en hiver non plus. Voilà, exactement. Très bien. Non mais on passera, de toute façon, il y a Dédé qui dit viens à Angers là, je te ferai découvrir les bonnes boissons locales, Cointreau et vin, avec plaisir Dédé. Et il y a Rachou qui lit le maître de la nuit, c'est Mickaël encore en top tweet. Oui j'ai vu ça, bah oui effectivement c'est vrai. Bah merci Rachou et merci tous les autres hein, qui ont envoyé pas mal de messages, entre autres sur Twitter évidemment. Merci Tristan, à bientôt, bah du coup on passera peut-être à Morlaix, va savoir. Ah ouais. Bah oui. Bah pourquoi pas. Bah très bien, merci beaucoup hein, Tristan, à bientôt. Salut. Salut, il y a Manuel aussi qui dit allez venez à Perpignan également. Bah Perpignan on va venir mais du coup on va peut-être attendre l'été. Enfin, ah oui, parce que c'est pas comme en Bretagne, là au moins on est sûr qu'il fait beau en été. Ouais voilà, et puis déjà Montpellier tu vois je voulais venir un peu plus tard et puis on m'a dit non tu vas voir c'est bien. Effectivement il a fait beau. Alors certes il faisait froid le soir mais c'est vrai que la journée c'était quand même vachement sympa. Mmh. Bon Devon, merci à toi d'être passé. Ok. Et ben et dis donc t'as tué ta la famille est en deuil Devon? Non, mais non, mais comme je dis à bientôt, c'est un style. Ok, bon, très bien, salut. J'aime personne. Bon, salut Devon, à bientôt à Marseille. Salut, à bientôt. Ciao. Salut. Et là, Kevin, pour terminer également, qui est avec nous là, Kevin. Oui. Hey, Kevin, 18 ans de Nîmes dans le Gard, pas très loin là où on se trouve d'ailleurs. Bon, fallait Kevin. Venir là ce soir. Eh bah oui, mais on peut pas être partout, Kevin. Ah, bah ouais, donc mais on viendra à Nîmes, t'inquiète. C'est vrai qu'on est à côté. Problème. Bah oui, on est à côté. Effectivement, ouais. Non mais hey, c'est carrément la porte à côté. Bah oui, on salue Jenny d'ailleurs. Exactement. Bon, alors Kevin. Mais c'est mieux que le nord, Eh oui, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux. Bon, Kevin, alors toi tu voulais nous parler des arnaques, on en avait parlé pendant l'émission, alors du coup, toi on t'écoute. Voilà, bah du coup j'ai commandé un portable, c'était l'iPhone 4S il y a 2 ans, enfin 2 ans pour les fêtes. Ouais. Et à grande surprise, c'était sur le bon coin, voilà. Et à grande surprise, quelques jours plus tard, je reçois un Nokia 3310. ça ressemble. Alors pour ceux qui n'ont jamais connu le Nokia 3310, c'est le téléphone où il y avait le serpent. Voilà, qui a quand même été un des jeux qui m'a fait quand même passer pas mal d'heures hein, quand même. Hein, ce putain de serpent là. Qu'est-ce qu'il est relou. Et en prime en plus, il m'a laissé un petit mot, il m'a dit. En espérant que vous avez fait bonne réception. Ah bah t'as vu le mec il est sympa et tout. Hein. C'est, ou alors le, ça, c'est les battes de tof, ça. Non mais ouais c'est ça. Ou alors le truc c'est sans rancune. Oh espèce d'enculé, je te retrouve, tu vas voir s'il n'y a pas de rancune, tu vas c'est voir. C'est ça, exactement. Non mais oui mais c'est ça. D'accord, et donc toi t'es. Ah oui, et t'avais payé combien ton Nokia 3310? 450. Oh putain. Oh là là mec, putain. Ouais mais c'est une pièce de musée mec. Ah hein, oui, parce que je rappelle qu'avec un Nokia 3310 on peut téléphoner, tuer quelqu'un, écrire un SMS, c'est tellement et lourd. Le tuer effectivement parce qu'il fait aussi office de brique. Exactement ça. Pendant une semaine. En fait, on le jette, il marche mieux qu'avant. Mais exactement, c'est vrai que c'est un des rares téléphones que tu peux jeter par terre violemment, tu le reprends, il marche. Incassable. Sans problème. Fais ça avec un téléphone moderne, tu vas voir. Hein, tu jettes. Ouais, ouais. Bah, bon, on va essayer de voir le mien va très mal en ce moment. Ouais, mais non, perso, j'ai un iPhone 5S, hein, mais bon, je ferai pas ça avec. Ah oui, non, mais il vaut mieux pas, Kevin. T'as raison. Bon, bah merci Kevin d'être passé. Y'a pas de problème, c'est possible de repartir à quelque chose. Ma main sur ta gueule, non je plaisante. On va bien sûr Kevin, tu vas gérer ça avec Dexter au standard. Y'a pas de problème, bonne soirée. Salut Kevin, à bientôt, ciao à toi. Y'a Antoine qui dit vous pouvez venir à Chartres également pour que ça bouge. Non, bah écoute, pourquoi pas. Cheyenne qui dit bonne nuit l'équipe et dormez bien. On nous met dehors alors très bien. Moi on m'a dit que j'étais pas capable de jeter une chaise par la fenêtre, je l'ai fait. Puis tout le monde a rigolé, j'ai eu un conseil de discipline et 3 jours d'exclusion, c'est Léo. Bah oui mais mec, tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce qu'il est bête. Qui te félicite. Félicitations, t'es. Ah, bravo, tu as bien jeté la chaise par la fenêtre. Bah oui, c'est ça. Et y'a Stéphanie qui dit. Pas vous. Pas Stéphanie qui dit, je croyais que j'avais loupé Hugo mais en fait non, il est porté disparu le pauvre petit chou. Mais oui c'est ça. Et Cédric il dit son choix Montpellier, nous à Reims on serait encore plus chaud. Voilà, apparemment à Reims il serait encore plus chaud, donc il veut qu'on vienne à Reims, Cédric. Bah pourquoi pas, écoute on verra hein. Et mademoiselle Italiana qui dit l'appel de Toff, bah on l'a mis, j'espère que tu as entendu l'appel de Toff qu'on a mis tout à l'heure d'ailleurs justement. Bon et en tout cas on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante des 500 euros. Alors attention, c'est parti. Vous avez été nombreux à vous inscrire sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Faudrait que je fasse l'émission plus souvent à Montpellier parce que je suis bien en timing. Tu vois, j'avais dit qu'on ferait la PS4 entre 22h et 22h30, je l'ai fait à 22h20. J'ai dit les 500 euros à minuit, il est minuit. Alors que quand on est à la radio, j'ai toujours une heure de retard. Mm. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Bon, on y va, on appelle maintenant le gagnant, la gagnante, on verra qui décroche. Et donc vous avez dû vous inscrire sur le Facebook de l'émission. C'est parti, on y va. Il y a Bakizi qui dit viens à Châteauroux. C'est une idée aussi, pourquoi pas, on va y réfléchir Bakizi. Allez, c'est parti. Et donc il faut que ça décroche évidemment. Décroche, pardon. Et ça a l'air d'être plutôt mal barré. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Célia, pourquoi? Bah comme ça, je t'appelais pour voir, y a moyen ou pas ce soir? De? Bah je sais pas, qu'on se voit, tu vois. Vas-y. Tranquille. Vas-y, héros. Hein? On est plein là, on veut faire, on a hein, de la Syria, bière, on a des, de la pizza. Je suis avec des potes là. Wow. Vas-y ma gueule là. Y'a pas moyen qu'on se voit ce soir? Vas-y, fais pas ta pute. Syria, je te... Oh merde, elle a raccroché. Oh, oh là là. Bon, allez, oh, non, je suis honnête, faut quand même que je la rappelle, ouais, je l'ai pas dit que c'était pour les 500 boules. C'est vrai. Bon, elle me raccroche, on est à vue. Elle a pu décrocher là. Alors que moi, un mec comme moi, avec une belle voix comme ça, bah oui, attends, moi, je décroche directement. Un beau gosse comme toi. Mais ouais, enfin, ça par téléphone, ça se voit mal. Allô, Syria. Ah bah ouais. Ah, c'est perdu, ma gueule, alors là. Tant pis pour toi. Ah non, non, si, si, c'est perdu. Je dis répondeur. Elle a raccroché la première fois, je la rappelle. On l'a pas insulté, on rigole. Je l'ai dragué. Il a proposé un date. Oui, exactement. Syria, c'est Mickaël, t'étais sur Fun Radio, je voulais t'offrir 500 euros. Alors, tu okay, n'as pas d'humour. T'as pas d'humour, donc je vais te laisser une chance de plus, tu le verras après. Je vais raccrocher. T'es trop bon, t'es trop bon. Je vais te rappeler encore une fois, parce que il y a eu. Bon. Quiproquo. Si jamais tu ne décroches pas, tant pis, tu passes à côté des 500 boules. Tu es bon, Mickaël. Attention, tu es trop bon. Je raccroche. Il est bon ou pas? A tout de suite. Allez, hop, c'est parti. Je pense que ton public n'est pas, bon. Mais bah, visiblement pas, j'en ai rien à foutre. C'est le public de Polo, de toute façon. C'est vrai. Bon, on y va, qu'on me prépare un autre numéro également. Au cas où. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez, allez. Allez, comment ça, il y a personne, il y en a 150 000, c'est sérieux là? Bon, allez, hop, on y va. Attention. Déjà, ça ressonne, c'est déjà pas mal. Allô? Oui. Bon, Syria, alors, t'es sérieuse là? Tu m'as mis un vent. Tu m'as mis un vent. Tu me reconnais pas? Non. Tu t'inscris comme ça pour jouer à un jeu et tu me reconnais pas? Ah si. Si, ouais, mais je dormais. Bon, Syria. Oui, c'est ça. Mais oui. Hein, Syria, t'as fait un petit like et un partage sur un billet de 500 tout mauve. Oui, c'est ça. Bon, t'as quel âge, Syria? J'ai 20 ans. 20 ans. Bon, on va te filer 500 euros, Syria. D'accord. T'as de la chance, Syria. Hein. Tu peux remercier Sandro parce que moi, quand tu m'as raccroché au nez, j'ai dit, eh bah tant pis, elle a perdu. Et elle a dit, ah ben non, c'est pas juste. Bon, bref, c'était... Oui, quand on est mal réveillé, c'est comme ça, je pense. Bah ouais, mais bon, moi, je voulais qu'il se passe un truc, Syria. Tu m'envoies chier comme ça. Je t'ai déçu, quoi. Tu vois, mais moi, mets-toi à ma place. Oui, non, mais c'est vrai. Je comprends aussi. Bon, t'as joué à quelle heure? Pendant l'émission ou avant? Avant, d'accord, ok. Bon bah voilà, comme ça au moins vous voyez, tout le monde a ses chances. Bon, je mettrai ton nom, Syria, là, sur le Facebook. Comme ça, les gens verront. Oui, parce que je sais qu'il y a des casse-couilles qui vont dire c'est du faux. Et bah très bien, bah croyez-le, jouez pas. Ça fera plus de place pour les autres, voilà. Donc comme ça, le message est passé d'avance, hein. Ça m'évitera de m'énerver demain. C'est ça. Donc, je me serais énervé déjà ce soir, avant même qu'il y ait des messages de gens qui vont dire, ouais, c'est de la triche. Et je gagne jamais. Et si je gagne jamais, c'est que c'est de la triche. Et donc je vais donc répéter le même exemple que d'habitude. Oui, moi aussi, quand je joue l'auto, je joue souvent et je gagne jamais. C'est pas pour autant que c'est de la triche. C'est, voilà. Pas vrai. C'est pas vrai, tu as gagné 2 euros. Oui, c'est vrai, j'ai gagné 2 euros. C'est vrai. Pour un investissement de 20, et je trouve que c'est quand même bien rentable. C'est pareil pour toi avec les meufs. Oui, voilà. Ouais, exactement. Temps, ça marche jamais. Alors là, moi, j'ai investi encore plus que 20 euros. Ouais, et c'est ça. Il est ruiné, Toff. Ah oui, là, complètement ruiné. Le prix de la soirée hier. Bon, Soria. Oui. Bon, tu vas rester au standard, je vais te renvoyer chez Dexter au standard, tu vas voir, t'inquiète pas, il est gentil, il a un nom un peu bizarre comme ça, mais il va pas te manger. On va prendre tes coordonnées pour t'envoyer tes 500 euros, tu vas acheter quoi avec 500 boules? Je crois que je vais déjà bien mettre de côté. D'accord, ok. Profite un peu. Eh ben, très bien, mais profites-en, tu n'hésites pas à nous inviter au resto. Hein. Oh oui, pas de soucis, je pense. Eh ben, très bien, parfait. T'inquiète pas, on viendra sans Toff, hein, il te mangera pas du coup. Y a pas de soucis. Bon, je te fais des gros bisous en tout cas, reste au standard, on te prend dans quelques minutes, ok? Merci. Salut, à bientôt. Salut. Ciao. Bon, et ben, l'émission est terminée, là, minuit 5, hein, voilà, minuit 5 en top tweet, c'est beau. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux ce soir, merci à tous les auditeurs qui sont passés. Ouais. Il y en a plein qui ils sont déjà partis, évidemment, ils sont venus en début d'émission et qui ont dû partir. On va également faire le top tweetos maintenant, les 5 premiers, donc les 5 plus influents sur le Twitter ce soir, et puis surtout le numéro 3 qui va gagner justement le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, du coup le numéro 5 est c'est Quinquin, enfin Kinkin plutôt. Numéro 4 c'est Magda. Numéro 2 C'est le prince Nadia. Voilà. Numéro 1. C'est Dédé. Et numéro 3, du coup, hein, le gagnant. C'est Cédric, mais il en a déjà un. Ah, bah il l'aura pas, tant pis du coup. Alors on file à qui? Alors c'est qui bah, qui est dans... On peut filer à Magda. Ah, bah Magda, bah, très bien. Elle en a pas encore eu, et bah très bien. Mais comme ça, au moins, elle aura son petit sextoy offert par. Passage du désir.fr. Quelle horrible voix off de merde. C'est un truc de ouf. Horrible. Horreur. Oh, juste, même pas en fait. C'est une horreur. C'est une horreur. Ouais, mais tant que les gens vont sur passage du désir.fr, c'est le principal. C'est le principal. C'est à ça que t'es payé aussi. Parce que je rappelle que Toff est payé en. En citation, oui. En citation et en sextoy. Chaque également. Fois que je cite ce passage, j'ai un. Il a une j'ai boule un de geisha. Il a une boule de geisha, et puis là maintenant il peut se faire un truc assez long quand même. Hein. Ah bah là, maintenant j'ai un chapelet. Ça pourrait voilà. Ça dans le cul maintenant. Exactement. Bon, ben bah, merci beaucoup tout le monde en tout cas. Merci pour bah, l'accueil qu'on a eu. On va remercier également Guillaume que vous retrouvez bien entendu demain demain sur Fun Radio. Bah dis bonjour Guillaume, espèce d'impoli. Bonjour, un poli là. Bah bonjour à tous. Midi 16h voilà. Demain. Bah, tu fais l'émission avec moi. Exact. Non. Pourquoi? Parce que j'ai piscine. Ah d'accord. Voilà, non, parce que j'ai une émission à faire le soir aussi moi. D'accord. Voilà, donc Guillaume de retour donc de midi à 16h. Midi à 16h demain avec les places pour I Love Techno France à gagner. Non si, ouais, ça aurait été chiant que tu les envoies à Hong Kong. Hein, ouais. Ouais, c'est vrai dans l'absolu. C'est clair. Bah, c'est mieux à Montpellier, c'est à Montpellier la semaine prochaine au parc des expositions. Wow. Voilà, et d'ailleurs donc la semaine prochaine et à gagner de hier aussi. Merci aussi à Guillaume pour la vidéo du football où vous avez remarqué, il n'a pas mis les buts. Ouais. Non mais la prochaine tout fois tout ça parce qu'il n'en a pas mis lui-même. Ouais, la alors prochaine du coup fois que tu viens à Montpellier jaloux avec ton comme équipe, il est, il a pas mis les 3 missiles que j'ai mis. Voilà, et qui ont été dans les filets. Bah oui. Mais pas ceux des buts. Bah arrête ton cinéma, t'es sérieux là, j'en ai mis 3. J'ai mis 3 patates. 3 patates. Comme des pros. Ben, bref, on en a pris 28, mais j'en ai mis 3 quand même. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc merci Guillaume pour l'accueil. Merci à tout Fun Radio Montpellier. Merci à Sylvain également. Merci Anne. Merci à Anne qui est donc la nouvelle copine de Polo. Ah, il hein. y a comme un courant qui passe entre eux là. C'est un courant, mais voilà, c'est. Ouais, en fait, elle a tellement voulu éviter le courant qu'elle est partie. Oui. Voilà, c'est ça, elle s'est barrée. Ouais. Et merci au Soussou d'avoir fait les décomptes. Exactement, d'avoir fait les décomptes. Où est-ce qu'il est, les décomptes? Il est même pas là, les décomptes. Elle a des comptes là. Voilà, je rappelle que Pedro, le sous-chef, qui est venu avec pour faire soi-disant les décomptes qu'on n'a pas besoin. Et là maintenant, il s'est barré, donc c'est parfait. Merci à Gilles également, alias Dr House, la photo. Donc, il est sosie, Dr House, la photo sur le Facebook de l'émission. Merci à toi de m'avoir reçu en tout cas. Écoute, avec grand plaisir, t'as dit que tu passerais, t'es venu, merci beaucoup. Et puis on te reprendra dans la semaine pour la musique. On prendra en même temps Jean-Pierre Sauzet, hein, puisque deux grands chanteurs. Eh bien écoute, moi ça serait avec grand plaisir. Bon, je serais peut-être un peu plus. Attends, parle ici parce que ton micro est naze, on n'entend rien, tu dis? Voilà, merci encore de m'avoir reçu et la prochaine fois je serai un peu plus aigre. D'accord, bah oui, Dr House quand même. Bah, évidemment, il faut, évidemment. Bon, merci beaucoup en tout cas, merci à toutes et à tous. C'est Party Fun qui va débarquer. Et puis on se retrouve demain hein, dans les studios normaux, émission normale, j'ai envie de dire, avec les appels de Toff, avec le chéri, je peux te faire cocu. Demain dès 23h sur Fun Radio avec d'autres PS4 à gagner. Merci le public d'être passé. Ouais. Et on ne remercie pas, évidemment pas Victor qui est resté dans les studios à Paris voilà. Et qui a fait un travail là, médiocre. Médiocre. Voilà. Tu seras baffé demain. Voilà, Victor que vous retrouverez bien évidemment en assistant de Dario. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde, bonne nuit, merci beaucoup. Et on se retrouve demain, toutes les photos et vidéos sur le Facebook. Salut tout le monde. Radio. Fun Radio. Le son dance floor.